Le son Dance Floor. Fun Radio 6h, bon lundi les Summers, c'est l'heure des infos et c'est avec Camille Cazeneuve. Salut Camille. Salut Jérôme, salut à tous. Alors la météo, encore un temps très lourd aujourd'hui, on aura du soleil partout et des orages sont attendus dans l'après-midi dans le sud-est de la France. Les températures vont rapidement grimper aujourd'hui. Ce matin, on comptait entre 17 et 25 degrés selon les régions. Dans le détail cet après-midi, il fera 28 à Brest, 31 à Amiens, 35 à Bourges, même chose à Grenoble et jusqu'à 38 degrés pour Bordeaux. Et la canicule continue, 67 départements sont toujours en alerte canicule aujourd'hui. Et je vous l'annonce tout de suite, aujourd'hui et demain seront les deux journées les plus chaudes de la semaine. Le pic de canicule est attendu aujourd'hui dans les régions du sud-ouest et demain pour les régions au nord-est et dans le centre. Et la canicule n'entraîne pas tant de consultations aux urgences, c'est ce qu'a annoncé la ministre de la Santé hier. Pour Agnès Buzyn, la situation est sous contrôle. Attention quand même à être vigilant avec les enfants et les personnes âgées à cause du risque de noyade et de malaise. Hier, justement, un homme de 78 ans est mort noyé dans le Calvados en Normandie. Il se baignait avec un groupe lorsqu'ils se sont retrouvés en difficulté. 13 personnes ont été prises en charge par les secours. Et avec la chaleur, on a un pic de pollution à l'ozone. Forcément, ça va avec. Des mesures ont été prises dans plusieurs villes. Aujourd'hui, on a par exemple la circulation différenciée à Paris, Strasbourg, Lyon et dans le département de l'Isère. Seuls les véhicules les moins polluants peuvent rouler aujourd'hui. Dans l'actu à l'étranger, le bilan s'est alourdi. Au moins 82 personnes sont mortes sur l'île indonésienne de Lombok, une île très touristique qui a été frappée par un violent séisme hier. Une alerte de tsunami a créé la panique avant d'être finalement levée. En sport, football, un sixième titre consécutif pour le Paris Saint-Germain pour le trophée des champions. C'était samedi, un match facile face à Monaco, 4-0 score final pour les Parisiens. Et je vous rappelle que le retour de la Ligue 1, c'est justement à la fin de la semaine. Ça commencera vendredi avec Marseille-Toulouse. Il est 6h02 sur Fun Radio. Bon réveil la famille. Summertime. Tout l'été de 6h à 9h sur Fun Radio. Nous sommes le lundi 6 août, c'est Summertime sur Fun Radio. Bonjour les Summers, bonjour Marie. Salut André, bonjour à tous. On est reparti pour une nouvelle semaine sur Fun avec le son Dance Floor de Dennis Lloyd. On commence soft. Après on va ressortir un bon classique, c'est celui de Chris Brown avec Benny Benassi. Don't wake me up, ce qui veut dire en anglais. Ne me réveille pas, mais je pense que si ce matin on va vous réveiller. On va essayer en tout cas, on va tout faire avec jusqu'à 9h aussi des nouveautés comme Dinoro. J'adore ce son. J'écoute ça, je suis fracasse, j'ai envie de rester fracassé. Je l'ai été un peu tout le week-end. C'est vrai, mais qu'est-ce qui t'arrive ? Il a juste fait un peu chaud quand même. Ouais, c'est vrai. Il a fait même super chaud, ce qui ne nous a pas empêché de voir qu'effectivement, on n'allait pas revenir pour une nouvelle semaine, les mains vides. C'est d'ailleurs la première fois aujourd'hui que je vois vos têtes de lundi, puisque c'est le premier lundi qu'on partage ensemble. C'est pas trop mal, Marie. Ça va, on s'en sort. Hein. Tu t'en sors vraiment bien. Ouais, t'as passé un bon week-end ? J'ai passé un super week-end. Écoute, un peu de mer, un peu de piscine, un massage. Et beaucoup de phrases qui commençaient par oh, quelle chaleur. Ouais, c'est vrai. Et partout. Toi bah, barbecue. Devant le barbecue aussi, beaucoup de chaleur. J'ai fait un peu de piscine aussi. J'ai eu une Micheline. C'était pas celle qu'on vous fait gagner ici sur Fun Radio. C'était pas celle de l'année dernière ? Non, c'était celle du pote qui organisait le barbecue. C'était en fait de la Micheline sauvage. Elle était un peu plus sauvage que celle qu'on vous offre. Ça, ce sera dans le pack Summer avec la bouée. Ce sera tout à l'heure. Ce sera avant 9h. Et puis cette semaine encore, on a un an de Sunny Delight. Ouais, on vous offre un an de Sunny Delight, la GoPro et le drone. Ouais. Oui, c'est ça. Et puis pour ça, c'est hyper simple. On vous demande juste d'appeler le 3228. Et on vous dira comment faire. Ouais, pour l'instant, je ne dis pas. Exactement. Ce qui est bien avec le drone, c'est que vous pouvez vous en servir en ce moment de ventilo. Je m'en servirai de ventilo portable. Ça, ce sera à 6h20. À 6h10, il y a la petite histoire du jour, Marie. Oui, on part en Thaïlande ce matin. Un bon winner du jour, comme on les aime. Juste avant, je vous ai promis Chris Brown avec Benny Benassi. Et voici Dennis Lloyd. Take it on me, take it on me, baby. All I ever had. last, ever ask, are you gonna be my lover? Tonight, I'll take you with me, take you with me. What if I left, that it made no sense. And you tell your friends and they hold your hands. Baby, never mind, never mind. Summertime. Summertime. Summer. Summer. It's summertime. Avec Jérôme et Marie sur Fun Radio. Dearly beloved, if this love only exists in my dreams, don't wake me up. Too much light in this window. Don't wake me up. Only coffee, no sugar inside my cup. If I wake and you're here still, give me a kiss. I wasn't finished dreaming about your lips. Don't wake me up, up, up, up, up. Don't wake me up. Yeah. Premier câlin du matin dans un instant sur Fun Radio, on écoutera Ariana Grande. Il y a eu un début de remix. Avant d'écouter, voilà. Le remix Ariana Grande by Fonf. Ariana Grande, on l'écoutera. Mais aussi le nouveau Martin Garrix. La première fois, c'était sur Fun Radio. Ce sera avant 6h30, il est 6h11. L'histoire du jour. Comme tous les matins avec Marie. Pour l'histoire du jour, direction la Thaïlande. Sabadika à tous les Thaïlandais qui nous écoutent, hein, bien évidemment. Alors écoute, c'est l'histoire de Tachawit, c'est son prénom, c'est comme ça. C'est le genre de mec qui est prêt à tout pour se faire un peu d'argent. Et au début du mois de juillet, son compte en banque était complètement dans le rouge. Et donc il a fallu que Tachawit trouve une solution rapide et efficace. Alors si toi tu devais trouver de l'argent, mon Jay, tu ferais quoi? Bah, je prendrais peut-être un job en plus ou voilà. Je commencerais par les choses basiques. Ouais, classique. Eh bien non, ce n'est pas le cas de Tachawit. Il a trouvé une solution beaucoup plus simple. Il a demandé à sa petite amie de publier des photos de lui sur son compte Facebook. Tout nu. Où on le voit, non pas tout nu, allongé sur le sol, des cotons dans le nez. Et le commentaire, c'était « Dernière photo avant de désactiver son compte Facebook, je t'aime. » Genre il est dead. Voilà, alors tous ses amis sont complètement interloqués par son décès si soudain. J'allais dire, pourquoi des cotons dans le nez? Bah écoute, parce qu'apparemment ça fait un peu plus mort, hein, faut croire que c'est logique. En tout cas, face à toutes les interrogations des copains de Tachawit, sa femme prétend qu'il a succombé à un cancer et à une crise d'asthme. C'est un bon petit mix, hein, on sait pas pourquoi. Et qu'il faisait semblant d'aller bien pendant des mois. Elle a ensuite appelé la mère de son compagnon afin de lui annoncer la mort de son fils et de lui demander de l'argent pour couvrir les frais des funérailles. Sa mère a ainsi envoyé un peu plus de 500 €, ce qui est énorme. En Thaïlande, 500 € c'est un sacré budget pour le cercueil, le corbillard et le transfert du corps de son fils dans sa région natale. Sauf que le corps de Tachawit n'est jamais arrivé à l'enterrement. Bah évidemment, il n'est pas mort, alors son corps ne risquait pas d'arriver. L'un de ses cousins, sentant l'énorme mytho, a eu le réflexe d'appeler sur son portable. Et là, à ton avis, qu'est-ce qui s'est passé? Bah, allô, Tachawit, oui, c'est moi. Et voilà, Tachawit a décroché à son téléphone, donc son cousin a tombé sur le poteau rose. Au total, la famille a perdu l'équivalent de plus de 1 700 € en préparant l'enterrement de leur fils, qui était absolument en pleine forme. Voilà. Tout ça pour en arriver là, ouais. Retour écoute, à la caisse départ. C'est une sacrée idée quand même, de se faire passer pour mort pour gagner quelques euros. Ne faites pas ça chez vous. Ne faites pas croire ça même à votre belle-mère, à personne. Ce qui est sûr, et ça c'est pas un mytho, c'est qu'on va vous filer un an de Sunny Delight. Ce sera dans un instant. On aura aussi, on continue cette semaine encore. Vous avez adoré. Ouais, il y a la GoPro et le drone surtout. J'aimerais tellement piloter un drone. Ah bah écoute, on va peut-être pouvoir le tester. Il y a une première fois à tout. On vous dit tout dans un instant, juste avant Martin Garrix, Ariana Grande et voici Dino Rose, c'est Fun Radio. We had the love we shared. This is what we're waiting for. jusqu'à 9h. Yeah, summertime. Summer. Summertime. Time. Avec Jérôme et Marie sur Fun Radio. Le nouveau Martin Garrix sur Fun Radio, mais c'est pas tout, le nouveau Diplo aussi. Diplo des Major Lazer. Get it right. Tiesto aussi avec Jackie Chan. On redémarre la semaine avec les meilleurs DJs sur Fun Radio et puis on vous offre aussi le meilleur des cadeaux. Un an de Sunny Delight, plus votre GoPro, plus votre drone et on vous surgâte ce matin. Et pour ça, c'est super simple. C'est super simple, je sais pas si c'est super simple. Avec parce qu'est-ce que t'as inventé aujourd'hui? J'en ai marre, en fait, finalement, c'est presque trop facile, en fait, depuis la semaine dernière. J'ai envie de compliquer un peu les choses. Ce matin, pour gagner ce que Marie vient de vous annoncer, on va résumer son week-end. On va résumer ce week-end, mais avec, pour compliquer un petit peu la chose, on va placer dans la phrase en string. En string. Marie, t'as fait quoi ce week-end? Donc si je dis j'ai téléphoné à ma grand-mère en string, ça marche? Ça marche. Okay. On prend tout. Il suffit de nous dire ce que vous avez fait ce week-end. Fonf. Ben moi j'ai fait du vélo en string. Et c'est assez confortable. Sexy. Et à la limite, t'aurais pu dire j'ai fait du vélo en string, puisqu'il faut rajouter en string dans la phrase. Ah oui, c'est vrai. Voilà. Ah, exact. J'ai cru comprendre. Comment tu sais? Bah parce que j'ai vu ta tenue sur la page Facebook Summertime. On n'est pas loin du vrai string officiel. On n'est pas loin. Eva, au standard, t'as fait quoi ce week-end? J'ai mangé 8 boules de glace en string. En string, tu vois, ça marche à tous les coups. Moi, j'ai fait un barbecue en string. Évidemment. Oula. C'est dangereux, hein? C'est très dangereux, ouais. Très dangereux pour la santé ou pour la merguez, je ne sais pas. J'ai été aussi à la piscine en string. J'ai assisté à un j'ai fait plein de trucs ce week-end. En string. J'ai assisté à un son et lumière. J'en avais pas fait depuis que j'avais, je sais pas, peut-être 4 ou 5 ans. C'était superbe. Ouais. Et on aura peut-être quelqu'un qui est allé à la messe en string. Et on là, c'est pas bien. Tout. On prend tout. C'est sur la page Facebook. La page Facebook, c'est Summertime. Venez nous raconter votre week-end avec en string dans la phrase. Et vous allez repartir donc ce matin avec un Anthony Delight. Votre GoPro et votre drone. On vous offrira ça, ce sera avant 8h du mat. Le son dancefloor du nouveau Martin Garrix. Quelle merveille. Il l'avait joué pour la première fois à Tomorrowland, c'était en direct sur Fun Radio. Et c'est maintenant, c'est lundi aujourd'hui. Bon réveil les Summers. Kill the demons of my mind ever since you came around. We a river running wild. How could I have been so blind? I just live a fast life, forget about the past. I'm out to escape my fears. Friendships only pass by, show up gone like strobe lights. With you I feel something real. And I'd walk a million miles just to see. Fingers out of sight, how could I have let you go? Cutting corners, turning stones, but I can only see your ghost. I just live a fast life, forget about the past. I'm out to escape my fears. Friendships only pass by, show up on like strobe lights. With you I feel something real. Jusqu'à 9h, Summer. Summertime. Time. Avec Jérôme et Marie sur Fun Radio. I'm walking down that road, where did all the flowers go? They say we're supposed to grow, learning from the highs and lows. All eyes lying on me, oh, begging me to play the role. 'Cause I'm gonna get it right. I'm gonna get it right. They can try to hold me down, but I'm gonna get it right. When the sky 6h28, c'est Summertime sur Fun Radio. Je pensais pas démarrer mon lundi matin avec une histoire de saucisse, mais après tout, Marie, pourquoi pas? Bah oui, ça fait le buzz tout le week-end sur Twitter. En fait, c'est une nana qui récupère un appartement, tu vois, une étudiante. Et évidemment, avant, bah, il y avait que des mecs dans cet appartement. Et elle se rend compte qu'il y a des trous au plafond partout. Et elle leur dit, mais les garçons, enfin, c'est chelou, pourquoi vous avez fait des trous au mur comme ça? Et en fait, ils ont tout simplement pendu des saucisses au bout des fils. Donc t'as les photos sur internet, on vous les postera sur la page du Summertime. T'as des saucisses qui pendent au bout de fil comme ça, des knackis partout au-dessus de la chambre, dans leur lit, etc. Et ils t'expliquent que c'était parce que à Noël, normalement, on met du ghee au plafond, ouais. Et qu'ils étaient vraiment en déj de thunes, donc ils ont pendu des saucisses. Voilà. C'était pas une boucherie? Ah ouais, je te jure que vu les photos, c'est quand même hallucinant. T'as des trous dans ton plafond, tu te demandes pourquoi. C'est parce qu'il y a des cons qui ont pendu des saucisses, quoi. Si tu respectes la tradition, comme sous le ghee, tu te fais la bise en dessous, en fait. Et bah, et c'est exactement pour ça, mais t'imagines. Je sais pas s'ils ont réussi à pécho des nanas, mais c'est quand même limite, hein. En fait, j'imagine pas. Bah, Tiesto. Je vous mets la photo. Tiesto dans un instant. Ça fait remuer les saucisses. Jackie Chan, c'est juste après les infos de 6h30 sur Fun. Fun Radio. Le son Dance Floor. Les infos de ce lundi 6 août avec Camille Cazeneuve. Salut Camille. Salut Jérôme, salut les Summers. Alors on commence la semaine comme on l'a terminée, avec la canicule. Je vous dis tout en début de ce flash, mais 67 départements sont toujours en vigilance. Aujourd'hui, grand soleil encore pour tout le monde. Attention aux coups de tonnerre dans le sud-est. Et pour les températures, eh bien ça tourne ce matin entre 17 et 25 degrés. Dans le détail, cet après-midi, il fera 28 au Havre, 32 à Lille, 34 à Strasbourg, 36 à Lyon et 37 degrés pour Nîmes. Et on continue avec la météo. Le pire est à venir. La canicule va sérieusement s'accentuer aujourd'hui et demain. On attend le pic de chaleur aujourd'hui dans les régions au sud et demain pour le nord-est et le centre. Ce week-end déjà, il faisait particulièrement chaud et avec le trafic routier des vacances, ça a provoqué une pollution à l'ozone dans pas mal de régions. Des restrictions de l'ozone. Ouais, ah. Et oui. C'était ça le petit clin d'œil. Et oui. Ok, alors, donc, la pollution à l'ozone, elle provoque des restrictions de circulation. Donc, dans pas mal de villes au sud, la vitesse est abaissée de 20 km/h. À Paris, Strasbourg, Lyon et Grenoble, la circulation différenciée est effective. Les véhicules les plus polluants ne peuvent pas rouler. Son agression avait été filmée et postée sur les réseaux sociaux. Marie, une jeune femme victime de harcèlement de rue à Paris, a lancé une pétition en ligne ce week-end. Celle-ci est adressée à Marlène Schiappa, la ministre de l'égalité homme-femme. C'est pour réclamer plus de prévention et de moyens pour lutter contre les violences faites aux femmes. Les deux camps plaident de la légitime défense. Retour sur le clash Boubacaris. Les deux rappeurs dorment tous les deux en prison dans l'attente de leur procès. Il est prévu le 6 septembre. Ça fait suite à leur violente bagarre mercredi dernier à l'aéroport d'Orly à Paris. Les avocats des deux parties veulent faire appel de leur incarcération. En sport, on parle des championnats d'Europe. Superbe journée hier pour nos Français. Mélanie De Jesus Dos Santos a décroché l'or sur l'épreuve de gymnastique au sol. En aviron, de l'or aussi en deux de couple. Aujourd'hui, encore une belle chance de médaille avec la nageuse Charlotte Bonnet. Il est 6h32. Summertime avec Jérôme et Marie sur Fun Radio. J'espère que tout va bien pour vous, les Summers, vous qui bossez peut-être ce matin, il a fait chaud ce week-end, il va faire bon ici sur Fun Radio, le meilleur du son dance floor, c'est bon. Tiesto par exemple. On l'entend partout ce Tiesto. Et on l'a découvert sur Fun. Hommage à Jackie Chan. T'as déjà vu un film de Jackie Chan, Marie? Ouais, ça j'ai vu. C'est bon, hein? Ouais, j'aime bien. Tu poses ton cerveau à côté, tu regardes le film. Pendant 2 heures, tu délires. Et puis il est mignon, Jackie Chan. Maître Gims aussi. Dis-moi pourquoi tu fuis, tout qu'est-ce que je suis, Nicolas. Dis-moi combien tu m'aimes. Ou encore le nouveau David Guetta. Avec la voix. Anne-Marie. La nouvelle copine de Marie, c'est Anne-Marie. Ça, ce sera avant 7h du mat, mais juste avant, s'il vous plaît, arrêtez tout, fonce s'il te plaît, au standard. J'en ai vraiment marre parce que ce week-end encore, j'ai passé un super week-end avec ma copine, il a fait beau. Ouais, mais t'as l'air un peu chonchon ce matin. Il y a un truc qui revient tout le temps, j'en peux plus, c'est ce truc, vous savez, quand on est dans les toilettes, il faut soi-disant le baisser là, ça s'appelle la lunette. Oui. La lunette des toilettes, ça fait quoi? Ça fait plus de 2 ans que je suis avec ma copine, ça fait 2 ans que tous les jours j'entends. Tu l'as pas baissé! Mais elle a raison à 10 000%. Et ça, c'est vraiment un truc de mec. Et je pense que tous les mecs qui sont derrière leur radio sont là. Non, mais c'est clair, vous êtes trop relou. Mais on n'est pas relou. Mais c'est juste super chiant pour nous de devoir à chaque fois rebaisser la lunette. Quand t'arrives, ça prend une seconde à faire. Non, mais c'est un peu dégoûtant. Voilà. Mais non, mais si justement je la relève, c'est justement pour que quand tu t'assieds, ce soit propre. Oui, c'est sûr, mais de mettre la main sur la cuvette pour la redescendre, moi je trouve pas ça cool. À la rigueur, on ferme les deux. On la ferme entièrement la toilette, comme ça il n'y a pas de débat. Chacun fait un effort et puis basta. Et on fait dans la baignoire, c'est ça? Ouais, bah. Comme ça, on... Fonf, est-ce que t'as pas une solution toi? Est-ce que ça t'arrive aussi avec ta copine que vous engueuliez à cause Alors, de ça? Alors, moi non, je m'engueule jamais à cause de ça avec ma copine, mais la solution, je l'ai trouvée, c'est très simple, c'est des chiottes à la turque. Il n'y a plus de cuvette, il n'y a plus de lunettes, il n'y a plus de machin, on baisse pas, voilà. C'est les squats, les cuisses qui prennent, et voilà, tu gères. Ah, c'est la seule solution. Et tu fais du sport en plus. Bah, c'est la seule solution. Au moins plus de débat. Ou alors chacun ses toilettes. Chacun ses toilettes. Ouais, mais là, alors, faut de la place. Hein. Ouais. T'as jamais eu l'occasion de t'engueuler avec ton copain si, là-dessus? Si, c'est pour ça que je te dis. Moi, c'est le genre de truc qui m'énerve vraiment. Mais fais un effort, Jay. Ça te fait quoi de... Bah, j'ai pensé au post-it. Ouais. Le post-it, peut-être, si tu mets un post-it. Ou alors, je pensais, tu sais, le bip de parking, peut-être. Si tu veux, il faudrait que j'ai une télécommande. Un truc électronique. Quand j'entends, je suis dans le salon devant ma télé. La cuvette! Bim. J'aurai le bip. Si vous avez... Avec les toilettes chinoises, japonaises, je pense que ça peut marcher, ça. Parce que tout est électronique, donc je suis sûr que c'est automatique. Je vais le déposer, sinon ils vont me piquer l'idée. Si vous avez peut-être une solution, que ce soit d'ailleurs les filles, hein, vous avez trouvé une solution pour votre mec, vous les mecs, vous avez trouvé une solution pour vous sortir de ce problème, bah appelez-nous 3228, on vous prend à l'antenne, on fera une édition spéciale. Ok? Allez, vas-y, c'est on promis, y va. On est là jusqu'à 9h. On vous attend 3228. C'est d'ailleurs à ce numéro aussi que dans un instant, on vous filera le fameux cadeau express. Le cadeau express, c'est votre drone, votre GoPro et un an de Sony Delight. Juste avant le son de Maître Gims et Tiesto, c'est Jackie Chan. She said she too young, no one, no man. So she gon' call her friends, and that's a plan. I just saw the sushi from Japan. Now your bitch wanna kick it, Jackie Chan. Drop top, how we rollin', they don't call it South Beach, yeah. Look like Kelly Rowland, this might be my destiny, yeah. She want me to eat it, I guess then it's on me. I got you, know I got the sauce like a fucking recipe. She just wanna do it for the grand. She just want this money in my hand. I'ma give it to her when she dance, dance, dance. She gon' catch a Uber out the Calabasas. She said she too young, don't want no man. So she gon' call her friends, now that's a plan. I just saw the sushi from Japan. Now your bitch wanna kick it, Jackie Chan. She said she too young, don't want no man. So she gon' call her friends, now that's a plan. I just saw the sushi from Japan. Now your bitch wanna kick it, Jackie Chan. Jackie Chan. I think you got the wrong impression about me back. About me back. Just cause they heard what hood I'm from, they think I'm crazy. Think I'm crazy. Okay, well maybe just a little crazy. Just a little. Cause I admit I'm crazy about that lady. Yeah, yeah. Finger to the world as fuck you pay. I've been slaving. Run the pussy cause I'm running out of patience. No more waiting, no, no. Bouncing like a yo-yo. Living life on fast forward, but we fucking slow-mo, yeah, yeah. She said she too young, don't want no man. So she gon' call her friends, now that's a plan. I just saw the sushi from Japan. Now your bitch wanna kick it, Jackie Chan. She said she too young, don't want no man. So she gon' call her friends, now that's a plan. Kick it, Jackie Chan. Now y'all just wanna kick it, Jackie Chan. So alive, ayy. She don't wanna think, she don't wanna be no wife. She just wanna stay up late. She just wanna sniff the white. Can't tell her nothing, no, can't tell her nothing, no. She said she too young, don't want no man. So she gon' call her friends, now that's a plan. I just saw the sushi from Japan. Now your bitch wanna kick rocking Jackie Chan. Les matins. C'est trop bon de passer l'été avec vous. Jérôme et Marie, c'est le summertime sur Fun Radio. Colasson, dis-moi pourquoi tu fuis, toi qu'est-ce que je suis, Colasson. Dis-moi combien tu m'aimes, dis-moi ce que j'ai fait. De te demander ta main. J'ai vu ton visage apparaître dans les flammes. Je préfère encore te contempler tout comme un gamin. Car tu es l'esprit du malin. Avec toi impossible de savoir à quoi s'attendre. Tu changes de peau, tu te glisses dans des draps de satin. J'aurais préféré ne jamais croiser ton chemin. Oh oh oh. Un jour tu me dis des mots doux, tu me fais savoir qu'on est intime. Que tu dévorais tous les hommes. Et d'après la rumeur, tu ne souris jamais. Tu prendras tout de moi, tu me laisseras seul enchaîner. Est-ce que j'ai tort? Non, je savais. J'avance vers toi, les courbes de ton corps m'assomment. Tu diras, j'ai récolté tout ce que j'ai semé. Attends deux minutes, j'ai déjà vécu la scène. Oh oh oh. Un jour tu me dis des mots doux, tu me fais savoir qu'on est intime. Un jour tu me laisses dans le doute et tu fais de moi ton ennemi. Je ne sais plus à quoi m'attendre, dis-moi ce que je n'ai pas compris. Colasson, accorde-moi de ton temps, je ne t'ai demandé qu'une nuit. Colasson, dis-moi pourquoi tu fuis, toi qu'est-ce que je suis, Colasson. Dis-moi combien tu m'aimes, dis-moi ce que j'ai fait. Ce jour-là comme une maladie. Et ce que tu m'as dit, je l'ai en mélodie. Tu es rentré dans ma tête ce jour-là comme une maladie. Et ce que tu m'as dit, je l'ai en mélodie. Et tu es rentré dans ma tête ce jour-là comme une maladie. Et ce que tu m'as dit, je l'ai en mélodie. Tu es rentré dans ma tête ce jour-là comme une maladie. Et ce que tu m'as dit, je l'ai en mélodie. Colasson, dis-moi pourquoi tu fuis, toi qu'est-ce que je suis, Colasson. Dis-moi combien tu m'aimes, dis-moi ce que j'ai fait, Colasson. Sur le tube de Maître Gims, bienvenue sur Fun, 6h42, c'est l'heure où chaque matin, vous le savez, faut appeler, faut chanter pour gagner le Cadeau Express. Cadeau Express, Cadeau Express, Cadeau Express, Cadeau. Je veux mon Cadeau Express, je le veux maintenant. Vous nous appelez maintenant au 3228, en fait c'est super simple, comme chaque matin vous venez chanter, mais c'est a cappella, la chanson de votre choix, et vous repartez en moins de 5 minutes avec votre Cadeau Express. Et votre Cadeau Express, c'est les raquettes de plage Fun Radio, elles sont vraiment canon. Je suis sûr que vous en avez besoin, donc venez vous inscrire et chanter à l'antenne. Pour pécho à la plage, ça peut servir. C'est sûr. On va thématiser la chanson de ce matin, c'est lundi, on a besoin de se réveiller, on a besoin de faire facile. On va faire le dessin animé de votre choix. Moi, si tu me demandes, puisque tu me poses la question, Marie. Vas-y, je te pose la question, Jake, que vas-tu nous chanter ? Tom Sawyer. Ah. Tom Sawyer. Ah, je me cale, hein. Vas-y. Il est né sur les bords du fleuve Mississippi. Tom Sawyer, c'est pour nous tous un ami. Joe l'Indien, je sais pas si vous avez connu, si vous avez eu peur devant Joe l'Indien en regardant Tom Sawyer. Je suis ouais, en train de les montrer parce que je les ai en DVD. J'ai toute la collection à mon petit neveu de 5-6 ans. Bon, en tout cas, tu viens de gagner une raquette sur les deux. Ouais. Voilà. Bon, c'est toi l'arbitre alors, Marie. Ouais. Le dessin animé de ton choix. Ah, bah, moi, c'est simple, c'est Denver. avec sa guitare samedi soir, rose. Ça. C'était le samedi soir sur FR3. 3, 4, elle va, le dernier dinosaure. C'est mon ami et bien plus encore. Denver, le dernier dinosaure. C'est mon il ami était trop gentil. Et bien plus encore. Fauve, t'en as un Bien sûr, moi, Pokémon. Attrapez les c'est notre histoire. Je connais pas les paroles, mais j'adorais. Ensemble pour la victoire. Ne nous arrêtera. Bon, vous ne pourrez pas faire pire que moi. C'est ça qui doit vous mettre en confiance. Vous ne pourrez pas faire pire que Fonf. Appelez-nous maintenant 3228 et vous repartez. Il y en a qui pourraient. C'est ça on le vous pire. Attend. On vous met au défi, au challenge. Venez, le challenger s'appelle Fonf ce matin. On vous prend au 3228 dans moins de 5 minutes. Et puis on va revenir avec les Clean Bandits. C'est Summertime, c'est Fun Radio, bon réveil. Il a accès à toutes les plus grandes scènes. Maxime ! Oui ? Tu gagnes les passes pour tous les festivals de l'été, mon pote ! Oh là là là là ! Bravo ! Électroland, Stéréo Park, Electric Park, Lollapalooza. Oh putain, c'est pas possible. Il est là où sont tous les DJs. Merci Fun Radio ! Il a gagné le Pass Festival. Fais-toi kiffer, poteau, on t'embrasse. Ah ben super, merci la famille. La radio de votre été, c'est Fun Radio. Écoutez Fun Radio partout dans le monde sur funradio.fr. Fun Radio. Fun Radio. Le son dance floor. See nothing's gonna keep us apart. My body gotta be where you are. You are. I say nothing's gonna keep us apart. Don't listen to my body. Baby, ain't nobody gonna keep us apart. You know my focus said it's all us, but I really meant it, baby. I was so basic, I was so naked, lying in my bed again. But I told you no more, focus said it's all us, but I really meant it, baby. But I really meant it, baby. But I guess nothing's gonna keep us apart. My body gotta be where you are, I said. Nothing's gonna keep us apart. But listen to my body, baby, and nobody gonna keep us apart. I was so disorganized, but I really meant it, baby. I was so basic, I was so naked, lying in my bed again. But I told you no more, but we so disorganized, but I really meant it, baby. But I really meant it, baby. But I guess nothing's gonna keep us apart. jusqu'à 9h. Yeah, summertime. Summer. Summertime. Time. Avec Jérôme et Marie sur Fun Radio. David Guetta avec la voix d'Anne-Marie, ce sera dans un instant, mais pour l'heure, il est 6h52, c'est l'heure, c'est même plus que l'heure de vous offrir votre cadeau express. Le cadeau express, c'était il y a moins de 5 minutes, je vous ai demandé de nous appeler au 3228 pour venir nous chanter le dessin animé de votre choix. Nous avons ce matin Victor, il a 20 ans, il est de Valence. Salut Victor. Salut Jérôme, ça va? Ça va et toi? Ça va la forme, on peut caler mieux là. Écoute, avec Marie, nous on n'est pas trop mal. Pour un lundi matin, tu sais que c'est mon premier lundi depuis l'été et je regardais dans l'équipe. Leur tête du lundi, ça va, je la valide. Ça passe. Est-ce que tu es prêt à chanter? Ouais. Est-ce que tu as ton dessin animé en tête? Ouais. Est-ce que juste avant, pour que nous on t'imagine, en fait, c'est vraiment ton dessin animé préféré? Ouais, c'est un dessin animé que j'ai beaucoup regardé, ouais. D'accord, écoute. Mais après, comme je disais, au standard, je connais pas toutes les paroles, donc ça va être compliqué avec le temps des fois. On va t'aider, fonce, fais-la tel un chef d'orchestre et je suis un petit peu, si tu veux, l'animateur qui va te mettre en confiance. Assieds-toi, mon garçon. Parfait. Pose-toi sur le tabouret. Tu fais flipper. Mets-toi devant toute la classe. Victor, c'est à toi. Oui, vas-y. Oui, vas-y, oui, oui. Oui, oui, avec ton beau taxi. Oui, vas-y, oui, oui. Oui, oui. toi qui conduis. Oui, vas-y, oui, oui. Et après, je suis perdu, là, je suis perdu. Et ce qui est bien, c'est qu'il suffit, en fait, de ces deux phrases. Tu sais quoi, il est 6h53, je pense que jusqu'à 12h15, tous ceux qui t'ont entendu ce matin vont l'avoir en tête. Rien que pour ça, on te remercie, on te dit bravo, c'est gagné. Tu repars avec tes raquettes de plage, mais on est lundi, on a envie de te faire plaisir, on rajoute le tote bag dedans, on met le ballon Fun Radio, le t-shirt Fun Radio, le gobelet, la paille, bref, tu vas voir, tu vas kiffer, et le sac évidemment Fun Radio pour mettre tout ça à l'intérieur. Bon, bah régalade alors, parfait, super, merci. Il y a juste merci à dire oui. Oui, oui. Victor, tu bosses ou pas toi ce matin là? Ouais, là je suis en plein taf là. Ah, t'es en plein dedans, t'as commencé à quelle heure? J'ai commencé à 4h30. Et tu termines? Bah là, je fais une coupure à 10h et après, je reprends à 12h30. Victor, c'est quand même le mec, t'aurais jamais imaginé une seule seconde qu'il te chante oui oui à l'antenne. J'adore ce moment. Oui. Merci de nous faire partager ça, Victor. Ouais, c'est clair. Pas de soucis. Bon courage à toi qui bosse là tout ce matin. Merci, bon courage à vous aussi. Bisous. Bisous, ciao. Dans un instant sur Fun Radio, on reviendra. On a lancé aussi un jeu résumé votre week-end avec le mot string. Ouais. On va être obligé d'y revenir, on n'a pas le choix. C'est sûr. Ce sera vers les 7h du mat. Et puis, comme promis, vous l'avez découvert sur Fun Radio, c'est le nouveau David Guetta. I wanna like them, we be honest. Right now, while you're sitting on my chest. I don't know what I'd do without your comfort. If you really go first, if you really left. Alive today, with or without you, like night and day. We didn't repeat every conversation. Being with you every day is a Saturday, but every Sunday you got me pray. Don't you ever leave me, don't you ever go. I've seen it on TV, I know how it goes. Even when you're angry, even when I'm cold. Don't you ever leave me, don't leave me alone. Never see your face light up my phone. Never see you singing Tiny Dancer. Every time my head hurts, every time I'm low. Cause I don't know if I would be alive today, with or without you, like night and day. Everything about you uncomplicated. Here with you every day is a Saturday, but every Sunday you got me praying. Don't you ever leave me, don't you ever go. I've seen it on TV, I know how it goes. Even when you're angry, even when I'm cold. Don't you ever leave me, don't leave me alone. Don't leave me alone. Alone. Don't you ever leave me. Don't you ever go. Don't you ever leave me. No. Don't you ever leave me. Pendant les vacances de Bruno dans la radio, ici sur Fun Radio, c'est Summertime. On a aussi gardé le meilleur de Vacher, le Vacher Time. On saura dans une vingtaine de minutes. Qu'est-ce que c'est les couples? C'est compliqué. C'est déjà un indice. Ce sera dans le Vacher Time, ce sera à 7h20. Et ça, c'est la voix de Cécilia Krull. Cécilia Krull sur Fun Radio, c'est juste après les infos de 7h. A tout de suite sur Fun. C'est nouveau dans la playlist Fun Radio. Ugel et Tayo Cruz. My, for you. I'll be following the signs to you. radio qui vous joue les meilleures nouveautés, c'est Fun Radio. L'été, les projets fleurissent. Et chez Castorama, on vous aide à les faire grandir. Alors nous vous facilitons la vie en vous offrant la livraison. Oui, la livraison offerte sur tous les produits cuisine, salle de bain et rangement dès 250€ d'achat. Mais vite, la livraison offerte chez Castorama dès 250€ d'achat, c'est seulement jusqu'à ce soir. Alors vive l'été et en avant les projets avec Castorama. Castorama, ensemble on peut tout faire. Offre valable du 3 au 6 août, voire conditions en magasin, liste et horaires des magasins sur castorama.fr. On radio. Le son Dance Floor. Il est 7h, bon lundi les Summers, les infos c'est maintenant et c'est avec Camille Cazeneuve. Salut Camille. Salut Jérôme, salut à tous. Alors le thermomètre ne va pas baisser aujourd'hui, il fait chaud, très chaud sur toute la France. Attention aux orages possibles dans l'après-midi, ils seront localisés dans le sud-est et en Corse. Pour les températures ce matin, ça tourne entre 17 et 25 degrés selon les régions. Dans le détail, cet après-midi il fera 28 à Brest, 31 à Amiens, 35 à Orléans, même chose à Grenoble et jusqu'à 38 degrés pour Bordeaux. Et la canicule continue, 67 départements sont toujours en alerte canicule aujourd'hui. Et je vous l'annonce tout de suite, aujourd'hui et demain seront les deux journées les plus chaudes de la semaine. Le pic de canicule est attendu aujourd'hui dans les régions du sud-ouest et demain ce sera dans les régions au nord-est et dans le centre. Et la canicule n'entraîne pas énormément de consultations aux urgences. C'est ce qu'a annoncé la ministre de la Santé hier. Pour Agnès Buzyn, la situation est sous contrôle. Attention quand même à être vigilant avec les enfants et les personnes âgées à cause du risque de noyade et de malaise. Hier, justement, un homme de 78 ans est mort noyé dans le Calvados, en Normandie. Il se baignait avec un groupe lorsqu'ils se sont retrouvés en difficulté. 13 personnes ont été prises en charge par les secours. Et en plus de la chaleur, on a un pic de pollution. Des mesures ont été prises dans plusieurs villes aujourd'hui. On a par exemple la circulation différenciée à Paris, Strasbourg, Lyon et dans le département de l'Isère. Seuls les véhicules les moins polluants peuvent rouler aujourd'hui. Dans certaines villes du sud de la France, la vitesse est abaissée à 20 km/h. Dans l'actu à l'étranger, le bilan s'est alourdi. Plus de 90 personnes sont mortes sur l'île indonésienne de Lombok, une île très touristique près de Bali, qui a été frappée par un séisme hier. Environ 900 touristes sont en cours d'évacuation des îles proches de Lombok. Calvin Harris reste le DJ le mieux payé au monde. Pour la 6e fois consécutive, le producteur arrive en tête du classement Forbes avec 48 millions de dollars gagnés cette année. Mais attention, il est talonné de près par le duo des Chainsmokers. Il est 7h01 sur Fun Radio. Jérôme et Marie reviennent pour le Summertime. Summertime. Summer. It's summertime. Tout l'été de 6h à 9h sur Fun Radio. Oui, nous sommes de retour pour le Summertime. Jérôme et Marie sur Fun Radio. Nous sommes lundi, nous sommes le 6 août. Bonjour les Summers, bonjour Marie. Bonjour Jérôme, bonjour à tous, bon réveil. Avec le son Dance Floor. De Cecilia Krull. Un classique aussi de Rita Ora. Elle me fait rêver sur Insta. Rita, j'adore aussi sa voix. On l'écoutera dans quelques minutes. Big Flo et Oli aussi. Ça, c'est mon préféré. Ils sont vraiment cool, c'est vraiment deux potes. C'est mon préféré de l'été. Big Flo, heureusement qu'il s'appelle pas Suppo. Ça faisait un Suppo et Oli. J'avais envie de la faire. Ok, j'ai utilisé mon joker. Ok, j'ai utilisé mon joker. Ok, ok, l'émission s'arrête le 25, je ne la ferai plus jamais. Fonf, ne me regarde pas comme ça. Non, elle est pas mal, hein, franchement, elle est pas mal. Ah, tu pourrais elle la faire bien. Franchement, un Suppo et Oli, c'est pas mal. Ouais. Un Suppo et Oli. Non, ça passe. Bien joué. Écoute, voilà, c'est l'effet lundi matin. Le week-end a été bon. J'espère que pour vous aussi. Et d'ailleurs, votre week-end, vous venez nous le résumer ce matin. On a lancé ça, on a compliqué un petit peu les choses ce matin pour repartir avec un an de Sunny Delight, avec un drone et une GoPro. Il faut simplement, dans votre week-end, mettre un hashtag en string. Ça veut dire ce que vous avez fait, vous nous racontez tout et n'importe quoi. Bah, tout passe. Par exemple, Jérôme a fait un barbecue en string. Voilà, vous venez nous raconter votre week-end avec le petit hashtag en string et puis vous repartez avec votre cadeau. On a d'ailleurs des messages. Alors ça arrive, je dirais qu'on les prend par dizaines hein, sur la page Facebook Summertime. Bah, on a par exemple Valérian qui était « J'ai malade et je suis resté tout le week-end au lit », hashtag en string. On a Stéphanie qui dit « Hello, ce week-end, resto chinois en string et entre amis ». On prend tout, même. Alors je vais demander à notre huissier de justice, Fonf, parce que j'en ai un, c'est ce message, c'est celui de Laetitia qui dit « Ce week-end, j'ai été à un super festival à côté de chez moi, au festival des licornes, j'y étais en sting », elle a oublié le R. C'est peut-être le chanteur. Est-ce qu'avec Sting on prend ou pas? Bah oui, ça marche. Il était avec Sting, le chanteur, ça marche. Bon, ok, on prend vraiment tout. Allez-y, hashtag en string. Venez nous rejoindre sur notre page Facebook, c'est la page Summertime. Et vous repartez avec un Anthony Delight, le drone et la GoPro avant 8h du mat. L'info blonde à 8h10, Marie. Je vais vous apprendre que vous êtes 10% à avoir quelque chose qui apparaît en été. Ce sera à 7h10, ouais. Et voici Cécilia. Jusqu'à 9h, Summer. Summer time. Time. Avec Jérôme et Marie sur Fun Radio. I woke up with a fear this morning, but I can taste you on the tip of my tongue. Alarm without no warning, you're by my side and we've got smoke in our lungs. Last night we were way up, kissing in the back of the cab, and then you say love, baby, let's go back to my flat. And when we wake up, never had a feeling like that. I got a reason, so man, put that record on again. I don't wanna hear sad songs anymore. I only wanna hear love songs. I found my heart up in this place tonight. Don't wanna sing mad songs anymore. Only wanna sing your song. Cause your song's got me feeling like I'm in love, I'm in love, I'm in love. Yeah, you know. No fear, but I think I'm falling. I'm not proud, but I'm usually the type of girl that would hit and run. No risk, so I think I'm all in. When I kiss your lips, feel my heart beat thump. And now we're way up, dancing on the roof of the house. And then we make love right there on your best friend's couch. And then you say, love, this is what it's all about. So keep on kissing my mouth and put that record on again. I don't wanna hear sad songs anymore. I only wanna hear love songs. I found my heart up in this place tonight. Don't wanna sing mad songs anymore. Only wanna sing your song. Cause your song's got me feeling like I'm in love, I'm in love, I'm in love. I'm in love, I'm in love, I'm in love. I'm in love, I'm in love. this place tonight. I don't wanna sing my songs anymore. I only wanna sing your song. Cause your song's got me feeling like I'm. I don't wanna hear sad songs anymore. h 09, Summertime sur Fun Radio. Je vous ai promis Big Flo, on écoutera aussi la voix de Sia, c'est LSD. Le nouveau Armin Van Buren. Fun Radio 7h09. L'info blonde avec Marie. C'est l'été, il fait très chaud, les corps se dénudent, ouais, vous êtes plus facilement à poil et vous êtes plus d'un sur dix à avoir un petit truc en plus une fois en maillot de bain. Jay, à ton avis, c'est quoi ? Moi, c'est surtout l'air pas sexy du tout. Arrête, n'importe quoi. En maillot de bain ? C'est pas fonf, t'as une idée ? Des taches de rousseur qui apparaissent ? Non. Les brassards, les petits brassards. Tu ouais, mais ça apparaît pas. Je vous parle d'un truc qui, en vous déshabillant, ouais, ça pourrait être les bourrelets, mais non. En fait, il s'agit du tatouage. Car en 2018, on apprend qu'un Français sur 10 est tatoué. Et 67% des tatoués le sont sur un endroit discret, mais forcément qui apparaît beaucoup plus facilement une fois qu'on se met en maillot de bain. Et en quelques années, le tatouage a quitté son image d'homme dur. Il est définitivement plus une affaire de virilité, hein. Parce que faut savoir, et ça m'a vraiment étonné, que 16% des femmes portent un tatouage quelque part, contre seulement 10% pour les hommes. Donc aujourd'hui, les femmes en France sont plus tatouées que les mecs. C'est bon à savoir. Ouais, vous êtes tatoué, vous, dans l'équipe ? Bah, moi, ouais. C'est vrai ? Ou ouais. Ça ? Bah, sur le coude et sur le côté là, comment ça s'appelle ? Sur les côtes. Sur le flanc ? Ouais, sur le flanc, c'est ça. Sur le blanc de poulet. Tu sais, ça. Eva, t'es tatouée ? Oui, j'ai un petit tatouage très discret aussi sur la hanche. Bah, donc voilà. On peut pas le voir, c'est ça non, que ça veut dire ou pas, Eva ? Ouais, il se voit pas. Mais tu peux le prendre juste en photo et à ce moment-là, avec celui de fond, on le mettra sur la page Facebook. On peut essayer. Summertime, et puis comme ça aussi, les auditeurs, les Summers, si vous avez des idées de. T'es pas tatouée, Marie ? Non, moi j'ai pas de tatouage. Vous avez des idées à proposer à Marie, par exemple ? Ouais, carrément. Mais justement, en parlant d'idées, j'ai découvert un truc, une nouvelle mode qui pourrait vous plaire si vous aimez l'art du tatouage. Il s'agit de se faire graver un son. Ah ouais. Pourquoi je t'ai vu. Je pensais que t'allais dire genre do it yourself, tu vois. C'était le tatouage, fais-le toi-même. Ah, tatouer plutôt que graver, non ? Alors, bah, on dit graver un son, c'est comme ça parce que si tu veux. Alors, on passe par une. C'est au silex. Je vais vous expliquer. On passe par une application. Donc, par exemple, vous êtes en couple, vous voulez garder une trace de l'amour de votre chérie pour la vie. Vous vous branchez sur l'application qui s'appelle Skin Motion. Vous demandez à votre chérie d'enregistrer un je t'aime ou un tu es la plus belle ou un tu as toujours raison. Et en fait, l'application change le son en ondes. Et donc, il va te permettre après de l'avoir, de pouvoir te la faire tatouer. Et à chaque fois que tu scanneras ton bras avec ton tatouage, donc avec cette onde sur ton bras, tu réentendras la phrase de ton amoureux, par exemple. Je sais ce que ma copine se ferait tatouer comme son. Alors à ce moment-là, moi aussi, baisse la cuvette des toilettes. Je pense que voilà, si elle nous écoute ce matin, à mon avis, c'est. Tiens, je sais ce qu'elle va me demander pour la Saint-Valentin. Il faut quand même le temps. Voilà. Voilà, tu peux économiser. Ça coûte, bon, c'est $40 pour l'application, $10 par an d'abonnement. Et puis après, évidemment, il y a le prix du tatouage. Ça dépend vraiment de vous et de la taille qu'il fera. Faites partager d'ailleurs vos tatouages ce matin, ça peut être bien sur notre page Facebook. Moi je vais te faire un petit tatouage au bic. Avec un stylo ouais. Bic. Ouais. Ouais, okay, ouais. Comme à l'école. C'est les vacances, il n'y a pas école en ce moment, Marie. Le Maché Time dans un instant, LSD, et voici Big Flo et Oli. Tu sais, pour ton avenir, on a peur. On voudrait que tu sois un médecin, toi. Tu veux être un rappeur. Ma meuf m'a dit, tu m'aimes pas assez. On dirait que tu t'es lassé. Qu'est-ce qui s'est passé? T'as plus le même regard quand t'as fini de m'embrasser. Je m'endors avec mes coudes, blues, plus personne ne croit au coup de foudre. La voisine est venue me voir pour me dire qu'elle en avait marre de mes engueulades avec ma mère. À chaque fois c'est pareil quand je m'énerve. Je tape dans la porte et je casse mes affaires. Puis je m'endors et quand je me réveille je regrette. Tout le monde me parle, tout le monde croit savoir ce que je dois faire de ma vie, ce qu'il y a dans ma tête. Mais j'écoute que moi et je me répète que c'est pas grave. Ce soir tu danses. Faut pas que t'y penses. Ne pense plus à rien, rien, rien, rien.

s'appelle Bla Bla Bla. La première fois, c'était sur Fun Radio. Le nouveau Armin Van Buuren arrive, il est 7h20. Le vaché time. Ah, parfait. Le vaché time. Pendant les vacances de Bruno, avant le retour de la famille, ce sera le lundi 27 août. On se réveille chaque matin avec le meilleur de Vaché. Vaché qui ce matin pose cette question, qu'est-ce que c'est les couples? Ça s'engueule, ça fait l'amour. Des fois, après s'être engueulé, ça fait l'amour et ça c'est bon, c'est vrai. C'est toujours les meilleures fois. Et quand c'est vu par Vaché, ça donne ça. Chaque jour, des milliers de couples sont en couple. C'est une phrase qui veut rien dire, mais aujourd'hui, le qu'est-ce que c'est sur les couples. Qu'est-ce que c'est? Quand ça fait 3 semaines que ça dure un couple, c'est 2 personnes qui peuvent pas se passer l'une de l'autre, même 30 secondes. Allô, doudou, t'es où? Tu me manques. Oh, chouchou, mais je te l'ai dit, je suis aux toilettes, j'arrive dans une minute. Oh, mais j'aime pas quand tu vas faire caca, je me sens seule. T'es trop mimi, toi, je t'aime. Et quand ça fait 15 ans que ça dure, eh ben, un couple, c'est ça. Mais qu'est-ce que je t'aime, toi? Oh, mais je m'en fous, arrête de parler, toi. Je regarde Koh-Lanta, j'ai pas entendu ce qu'il a dit, Denis. Mais qu'est-ce que t'as, toi? Ferme-la, je parlais au chien. Quand une personne se met en couple, sa vie change et ses amis proches s'en rendent très vite compte. Ça fait combien de temps qu'on l'a pas vu, Olivier? Je sais pas, 6 mois. Il est mort? Non, pire, il va se marier. Eh merde, paix à son âme. On dit que dans un couple qui se connaît vraiment, quand un des deux commence une phrase, eh ben l'autre est capable de la finir. Tu sais quoi? Là, j'ai trop envie de manger. Mange cake? Non, une salade de chèvre chaud. Ah, pardon. Même pas un dessert? Stop! Mon amour, ça fait 8 ans qu'on est en couple, j'en ai marre, j'en ai ras-le-bol. On est tombé dans la routine, on s'engueule tout le temps, il faut qu'on pète tout ça. Ce soir, je te le dis, on va au resto, on sort, on va en boîte, on picole, on rentre à la maison et on ken. Ah oui! Yes! Ah non, mais attends, il y a Koh-Lanta à la télé ce soir. Ah oui, eh ben on regarde et on va au lit. Yes! Jusqu'à 9h. Summertime. Time. Avec Jérôme et Marie sur Fun Radio. Mes amis entendaient la vie que j'ai eue. Où les gens m'attendaient, je ne suis pas venu. Si je les emmêle, si je dérange, c'est que je suis un pêle-mêle, un mélange. Je suis trop compliqué, je choisirai jamais que les deux côtés. Ne me demandez pas où je veux aller. Même les singes sages, les sages, et tous ces sages ont fait des cages où tous nous ranger. Hey. On y range les gens qu'au fond jamais jamais l'on ne comprend. Comme l'homme est fait de mille bois, ces boîtes que l'on prend ne sont jamais assez grandes. J'ai suivi mille chemins et serré 10 000 mains. On peut aimer Brel et Meugui, aimer même nos ennemis. Je suis trop compliqué, je ne rentrerai jamais dans vos petites cases. Je vis au jour le jour, alors je zigzague. Toujours avec ses lunettes noires, j'entends les gens se demander quand est-ce que tombe le masque. Hey, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe. Si je vous gêne, bah c'est la même. Si je vous gêne, bah c'est la même. La vie c'est des envies, l'envie avant les avis. Aïe aïe aïe, aïe aïe aïe. Si je vous gêne, bah c'est la même. Si je vous gêne, bah c'est la même. Facebook, Twitter, sur les pages officielles de l'émission Summertime, vous venez nous résumer votre week-end avec le hashtag en string et vous repartez avec un an de Sunny Delight. Par exemple, faites comme Franck sur la page Facebook Summertime qui dit ce week-end, je suis revenu de vacances en me tapant 600 km en string. Bien évidemment. Et Gérald qui dit, j'ai fait un barbecue avec tout un tas de potes samedi en string et dimanche, j'ai regardé l'orage en string. Grâce à votre en string, l'un d'entre vous repartira donc avec un an de Sunny Delight. Le drone et la caméra GoPro, ce sera avant 8h du mat. Et puis on va revenir aussi avec le son d'Ibiza. C'est le son de Martin Solveig. Un petit cocktail à la menthe là. Je regarde le lever de soleil. J'ai la vue sur Ibiza, j'écoute Martin Solveig, je suis bien. C'est juste après les infos de 7h30 dans Summertime sur Fun Radio. C'est nouveau dans la playlist Fun Radio. Fun Kaigo. Rudy Mentol. La radio qui vous joue les meilleures nouveautés, c'est Fun Radio. 100% de. Et cette passe, elle est magnifique, elle est superbe. 100% de. Et le but. 100% de. Le tacle décisif. 100% de. Oh là là, quel arrêt, quel arrêt. 100% de. La frappe. cette saison. Vivez 100% de la Ligue 1 Conforama sur Canal+, Canal+ Sport et beIN Sport avec Canal et l'offre Les Chaînes Sport. Rendez-vous sur lesoffrescanal.fr. Offre soumise à condition. Noroto. L'été, pour se rafraîchir, faut bien réfléchir. Et moi, quand on me dit que chez Noroto, l'entretien clim est à seulement 49 euros, bah là, je réfléchis plus. Chez Noroto, l'entretien clim et ses 14 points de contrôle sont à seulement 49 euros. Oui, 49 euros seulement. Ce qui est frais n'est plus à faire. Non, parce que normalement, on dit fait, mais là, j'ai dit frais. Noroto. Conditions sur noroto.fr. Ready Player One. Après E.T., Indiana Jones et Jurassic Park, Steven Spielberg signe son grand retour au film d'aventure. Un héros, une quête, un monde à sauver. Ready Player One, un film déjà culte. Enfin en DVD, Blu-ray et VOD avec Fun Radio. Lidl, meilleure chaîne de magasins de l'année, catégorie produits frais. Allô patron, alerte orange chez Lidl. Ah, enfin une bonne nouvelle. Bonne nouvelle patron, faut le dire vite. Hein. Aujourd'hui et demain, la barquette d'un kilo d'abricots Origine France est à 1,99€. Des abricots à moins de 2€? Pourquoi tu ramènes ta fraise avec ton orange? Eh ben, alerte orange comme les abricots à 1,99€ le kilo. En plus, c'est les mêmes prix partout en France. Ah bravo, je vois rouge maintenant. Ah, on est mal. On est mal, très mal. Lidl, le vrai prix des bonnes choses. Plus d'informations sur Lidl.fr. Catégorie 1, calibre 35-40, Origine France. Conforama, le confort pour tous. En ce moment, chez Conforama, il y a 10 euros offerts en bons d'achat par tranche de 100 euros d'achat sur tout le magasin. Oui, tout. Alors profitez-en vite, c'est seulement jusqu'au 13 août. Conforama, conditions en magasin et sur Conforama.fr. Fun Radio. Radio. Le son. Dance. Fla. 7h31, c'est lundi. Bon réveil les Summers. Les infos tout de suite avec Camille Cazeneuve. Salut Camille. Salut Jérôme, salut Marie, salut les Summers. Alors rien ne change aujourd'hui. Il fera toujours aussi chaud sur toute la France. On fait un point de canicule en début de ce flash. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'on a toujours 67 départements en vigilance canicule. Des orages sont prévus dans le sud-est et en Corse aujourd'hui. Soyez prudents. Pour les températures, ça tourne ce matin entre 17 et 25 degrés. Cet après-midi, il fera 30 à Rouen, 32 à Lille, 34 à Strasbourg, 35 à Paris, même chose à Perpignan et 37 degrés pour Nîmes. Et on continue avec la météo, le pire est à venir. La canicule va sérieusement s'accentuer aujourd'hui et demain. On attend le pic de chaleur aujourd'hui dans les régions au sud et demain pour le nord-est et le centre. Ce week-end déjà, il faisait particulièrement chaud et avec le trafic routier des vacances, ça a provoqué une pollution dans pas mal de régions. Des restrictions de circulation ont été mises en place aujourd'hui dans pas mal de villes au sud. La vitesse est abaissée de 20 km/h. À Paris, Strasbourg, Lyon et Grenoble, la circulation différenciée est effective. Les véhicules les plus polluants ne peuvent pas rouler. Son agression avait été postée sur les réseaux sociaux. Marie, une jeune femme victime de harcèlement de rue à Paris, a lancé une pétition en ligne ce week-end. Celle-ci est adressée à Marlène Schiappa, la ministre de l'égalité homme-femme. C'est pour réclamer plus de prévention et de moyens pour lutter contre les violences faites aux femmes. Les deux camps plaident la légitime défense. Retour sur le clash Booba-Caris. Les deux rappeurs dorment tous les deux en prison dans l'attente de leur procès. Il est prévu le 6 septembre. Ça fait suite à leur violente bagarre mercredi dernier à l'aéroport d'Orly à Paris. Les avocats des deux parties veulent faire appel de leur incarcération. En sport football, un sixième titre consécutif pour le Paris Saint-Germain pour le trophée des champions. C'était samedi. Un match facile face à Monaco, 4-0. Score final pour les Parisiens. Et je vous rappelle que le retour de la Ligue 1, c'est justement à la fin de la semaine. Ça commencera d'ailleurs vendredi avec le match Marseille-Toulouse. Il est 7h33. Vous écoutez le Summertime avec Jérôme et Marie. Jusqu'à 9h. Summertime. Summertime avec Jérôme et Marie sur Fun Radio. C'est le morning de l'été, c'est Summertime sur Fun Radio. 7h33, bon réveil avec le son Dance Floor de Martin Solveig. Martin Solveig mais aussi David Guetta. David Guetta et Showtech. Avant 8h du mat, et puis alors, si vous êtes avec Marie et moi depuis ce matin, 6h, j'en parlais tout à l'heure, je me suis un peu confessé ce matin, je me suis fait encore engueuler, j'en ai pris plein la gueule, parce qu'il y a cette fameuse lunette des toilettes, pourtant j'étais pas à la maison, que ce soit d'ailleurs à domicile ou en extérieur, même en week-end, ma copine, mais c'est pas possible quoi, il y a au moins, je sais pas, 4-5 fois par jour où j'entends... La lunette des WC. Je vous ai demandé de m'apporter, de me venir en aide en fait, de me donner une solution sur la page Facebook Summertime. J'ai trouvé, ça y est, j'ai mon champion, c'est Michael. En fait, il m'a envoyé un lien, il y a un nouveau gadget. Je sais pas si vous l'avez vu, si vous avez regardé, Marie, Fonf. C'est la fameuse pédale. Ah mais ouais, c'est génial, je viens de cliquer là. C'est un peu comme, tu sais, les poubelles de salle de bain, t'appuies sur la pédale, ça lève la cuvette. Ouais, un coup sur deux, ça marche pas. Non, mais là c'est non, un... Mais ça y est. Non mais c'est vrai, un coup sur deux, ça marche pas la poubelle. T'es rabat-joie. Mais... Là ça marche, c'est une pédale qui lève ta cuvette et qui... Bah oui, ça marche pour la vidéo, heureusement, comme les poubelles. Mais en vrai, quand on a tous cette poubelle où ça marche pas, quand t'appuies, ça marche pas et tu dois le lever avec la main. Tu m'as saoulé, Non mais me dites pas que j'ai tort. Tu sais ce que je vais vous faire, savez que j'ai raison, ça vous embête. Fonf, il a réponse à tout. Donc la prochaine fois que ma copine me dit: ouais, Jérôme, la cuvette, appelle Fonf. Bah si tu veux, hein. Ouais, je vais le faire. Il y a plein d'auditeurs qui nous disent: mais faites pipi assis. C'est vrai que c'est la solution, les garçons. Pourquoi vous vous mettez debout? Parce qu'on peut le faire. C'est réglé. Bah, on le fait. Je sais pas, Fonf, on va rester sans trop s'étaler là-dessus, mais moi, la nuit. La nuit, quand j'y vais, voilà. Évidemment, la nuit, c'est assis. Bon, venez choisir ici ce matin sur Fun Radio le tube de votre choix. On va se faire un duel. Fatal ou Elmo? Il a fait chaud ce week-end, il fait chaud là dans le studio. On a abordé des sujets sensibles, maintenant on se lâche. Est-ce que ce matin, à 7h50, on se fait Fatal? Ou alors, est-ce qu'on se ferait pas Elmo? C'est lundi, ça m'énerve. Ouais, la cuvette des toilettes, ça m'énerve. Conf qui a toujours un truc à redire, ça m'énerve. Moi, j'ai fait mon choix, en tout cas. On vous propose de venir voter sur la page Facebook Summertime. On a une première tendance, Marie. J'ai l'impression que c'est radical. Ah bah, Fatal et Fouta Cagoule. Alors, je sais pas, vous avez pas assez chaud, apparemment. Il est en train de mettre une branlée à Helmut, c'est ce que t'es en train de nous dire. C'est assez violent, oui. Résultat à 7h50. On va vous filer aussi un nom de Sunny Delight. Ça, ce sera dans quelques minutes. Et puis, juste avant, le son au Paris Ibiza avec Martin Solveig. On est bien, c'est l'été. Summertime sur Fun Radio, Martin Solveig. Voici My Love. You're in free fall. Summertime. Summertime. Summer. It's summertime. Time. avec Jérôme et Marie sur Fun Radio. Je ne veux plus de toi, mais tu reviens vers moi, les cheveux au vent. Tu le sens, tu le sais. Quand le soleil se lèvera, j'irai de l'avant. Tu ne me fais plus d'effet. Se rappeler de moi te fait mal au ventre. Tu ne veux pas m'oublier. T'as essuyé tes pleurs, tes douleurs apparentes. C'est mon attitude, comme d'habitude. Je te manipule face à la solitude. Quand tu restes à ma disponibilité, ça fait baisser ma sensibilité. Quand je reviendrai, tu m'auras oublié. On s'est loupé, la boucle est bouclée, la boucle est bouclée. Tu te sens mieux avec le recul et le temps. J'ai beau me raisonner, me dire j'aimerais que les souvenirs dansent avec le vent. Tu me fuis, je te suis. Où est passé le temps où nous allions de l'avant? J'ai joué, échoué. Maintenant quand le soleil se lève, je pense à toi. Je pense à toi. C'est mon attitude, comme d'habitude. Je te manipule face à la solitude. Je pense à toi. Jusqu'à 9h, Summer. Summertime. Time. Avec Jérôme et Marie sur Fun Radio. De Fun Radio, le nouveau David Guetta avec Showtek, Your Love. Et puis on a fait péter le string ce week-end. Racontez ce que vous avez fait ce week-end avec le hashtag en string. On appellera l'un d'entre vous dans quelques secondes. Ça se passe sur la page du Summertime, on vous attend. Avec le pack Sunny Delight à gagner, ce sera dans moins de 5 minutes. À tout de suite les Summers. Il a accès à toutes les plus grandes scènes. Maxime ! Oui ? Tu gagnes les passes pour tous les festivals de l'été, mon pote. Oh là là là là. Bravo ! Electroland, Stéréopark. Electric Park. Lola Palooza. Oh putain, c'est pas possible. Il est là où sont tous les DJs. Merci Fun Radio. Il a gagné le Pass Festival. Fais-toi kiffer, poto, on t'embrasse. Ah oh, ben super, merci la famille. La radio de votre été, c'est Fun Radio. Téléchargez l'application gratuite Fun Radio. Fun Radio. Fun Radio. Le son dance floor. Et ça recommence. Je lui parle d'amour que dans un silence. Mes yeux savourent son galbeuse des hanches. Entre méfiance et ce qu'elle en pense. Je prends ses courbes et j'augmente mes chances. Je me demande ce qu'on fera comme folie. C'est exceptionnel. Elle a peur d'avion mais veut toujours le septième ciel. Dire ce que je ressens non ça vaut pas la peine. Elle fait de scène oui je pense au même. En filant tout j'ai pris ses sentiments. En miniature j'ai pris des photos d'elle. Je suis le meilleur, elle le fait que soit possible. J'dis à tout à l'heure, elle me dit j'serai pas là. Dans son cœur y'a de quoi faire des ricochets. Il y a plus d'amour, y'a que des états d'âme, d'âme. J'veux que tu meurs de moi, moi. Serre-moi contre toi, toi. J'veux que tu meurs de moi. Dis-moi, dis-moi, dis-moi. Maria, Maria, Maria. Dis-moi ce que tu veux faire de moi. Maria, Maria, Maria. Dis-moi ce que tu veux faire de moi. Elle a peur d'avion mais veut toujours le septième ciel. Dire ce que je ressens non ça ne vaut pas la peine. Elle me fait de scène oui je pense au même. En filant tout j'ai pris ses sentiments. En miniature j'ai pris des photos d'elle. Je suis le meilleur elle le fait que soit possible. Je dis à tout à l'heure elle me dit je réponds là. Dans son cœur y'a de quoi faire des ricochets. Il y a plus d'amour y'a que des états d'âme, d'âme. Je veux que tu meurs de moi, moi. Serre-moi contre toi, toi. Je veux que tu meurs de moi. Dis-moi, dis-moi, dis-moi. Maria, Maria, Maria. Dis-moi ce que tu veux faire dans mes mois. Maria, Maria, Maria. Dis-moi ce que tu veux faire dans mes mois. Maria, Maria, Maria. Dis-moi ce que tu veux faire dans mes mois. Maria, Maria, Maria. Dis-moi ce que tu veux faire dans mes mois. Matin. C'est trop bon de passer l'été avec vous. Jérôme et Marie. C'est le Summertime sur Fun Radio. Merci d'être là comme chaque matin, Summertime sur Fun Radio pendant toutes les vacances. Juste avant d'écouter David Guetta avec Showtech, on vous a demandé de venir nous résumer votre week-end parce qu'on est curieux. On a envie de tout savoir, mais de nous le résumer avec le hashtag en string sur la page Facebook de l'émission et sur Twitter. Allô Aline. Oui, allô. Salut Aline. Salut, ça va? Bah ça va, et Aline, tu sais quoi, avec Marie, tu sais ce qu'on aimerait savoir? On aimerait savoir ce que t'as fait ce week-end. Bah écoute, j'ai bossé. De toute la nuit à samedi jusqu'à dimanche. Ouais. J'ai fait un mariage parce que je bosse le week-end. En string, bien évidemment. Ah, on l'attendait le string. Mauvaise idée. 37 degrés, 20 km sur une journée. Forcément, ça finit par piquer. Toi, tu nous l'as résumé en disant j'ai désherbé mon jardin en string. Ah mais aussi ah ben. dimanche, il fait chaud, moi j'habite d'ailleurs parce que sinon après je vais avoir des problèmes. Bah, quelqu'un tu sais qui désherbe son jardin en string, après tout le monde va te reconnaître, Aline, reste anonyme. Oui c'est ça, non mais ça va, j'ai des murs autour, donc je peux faire un peu ce que je veux, mais c'est vrai qu'à à la fin du week-end en fait tu finis par avoir les fesses qui souffrent. Tu sais quoi Aline, t'as souffert des fesses peut-être, mais là tu repars avec ton pack Sony D-Light. Ton pack Sony D-Light, c'est un an de Sony D-Light. Et puis ta GoPro et ton drone. Si t'as envie de te filmer en train de désherber ton jardin en string, bah ça peut servir. Je peux pas être à 4 pattes en train de désherber et puis faire m'amuser avec le drone. Mais bon, je vais faire autre chose peut-être. Il y en a qui ont essayé. Aline, ton lundi matin en string, il ressemble à quoi alors? Eh ben mon lundi, non, bah, en fait le lundi matin, du coup, on retourne bosser parce que je bosse. Mais on met une bâche, hein. D'accord. Bah, le string sous la bâche, ça passe. On te souhaite une bonne journée, Aline. Merci d'avoir joué avec nous ce matin. Et puis pensez à la crème solaire. Hein. Ouais, écran total. Ça, ouais. Dans un instant, on saura si vous avez choisi Fatal Bazooka ou Helmut Fritz. Et pour l'instant, voici David Guetta sur Fun Radio. Helmut, Fatal, c'est sur le ring ce matin et c'est maintenant que ça va se décider. Est-ce que ce matin on se réveille en mode je suis vénère avec Helmut ou est-ce qu'on se fait Fatal pour faire descendre la température? Bon bah tout à l'heure je vous ai donné un petit indice, hein. La tendance n'a pas changé à 76%, victoire écrasante pour Fatal. Ça s'appelle une branlée. Donc on va écouter Foot à Cagoule sur Fun Radio ce matin. Et ça, ça va faire du bien. Ça va faire vraiment du bien, ça va être un bol d'air frais. Ça va donner envie de chanter, de se lâcher. Vous allez pouvoir le faire maintenant. Cagoule, bol d'air frais, je suis pas sûr. Hein. Surtout qu'il dit que t'auras froid, le nez t'auras qui coule. T'auras les glandes, t'auras les boules, tu regarderas Marie les paroles. T'auras froid, t'auras les glandes, t'auras les boules. T'auras fatal maintenant sur Fun Radio. Vous l'avez choisi ce matin, les Summers, c'est pour vous. Ouais gros, c'est Fatal Bazooka. Quand c'est l'hiver, quand ça fait froid, qu'une chose à faire, gars, écoute ça. Représente le hardcore des montagnes en direct de la Savoie. Savoie, ouais. Non, ça va pas, mec, c'est le bonheur, on gèle les grelots. Bordel, et fait plus froid dans ton frigo. Un pied dehors, direct, c'est la pharyngée. La mort venait, les microbes, tu s'agis. Alors écoute, avant qu'il sera trop tard, avant que tu seras tout dur comme un surgelé picard. On n'est pas venu pour jouer les papas poules. Mais un conseil mon gars, faut ta cagoule. Faut ta cagoule, faut ta cagoule. Ou t'auras froid, t'auras les glandes, t'auras les boules. T'auras les boules. Faut ta cagoule, ouais. Faut ta cagoule. La chair de poule, le nez qui coule. Faut ta cagoule. Faut ta cagoule. Faut ta cagoule. Tu n'as reçu de l'estal, ouais. Même à vos ou. Même à vos ou. Faut ta cagoule, ouais. Faut ta cagoule. Se faire que boule. Se faire que boule. Se faire que boule. Se faire que boule. Ouais, dealer, toi aussi, profanation funky. En direct des quartiers de Marseille. Dans ma ville, on crée des gains. Fracasse les estras sur un scroll, rien frère, en même temps toujours fromé. Que trépade, face à 90 dans la légende. Mange du cagnard. Ici on joue au foot et pas au hand. Frais chemin, serre les dents, comme Yves Montain. Qui repousse le pouce-pouce du mitra dans le vin. On est au Mars, représente la cagoule. Sans un franc, 5 francs 32 qui nous font ça. Eh mais oh, mais t'es au courant qu'on comprend rien à ce que tu dis? Qu'est-ce qu'il y a, tu m'engraines? Non mais c'est pas ça, mais on a un message précis, tu vois, c'est... Jeter un slam pour cette maladie qui l'hiver l'anus mérite. Un virus venu du froid qu'on appelle gastro-entérite. La prochaine fois, je mettrai ma cagoule. Je mettrai ma cagoule sur le pour pas me violer les espèce de fils de qu'est-ce qu'il faut que je foute. Ça fait 15 fois que je te le dis, pauvre fous ta cagoule. Mais qu'est-ce que tu t'es en train de dans ma cagoule. Elle me gratte comme un frottis dans la ch*** à ta mère. Elle me donne de l'héritage, j'ai les qui s'aigle. J'aurais pu dire fous ton bonnet, fous ton bonnet. Mais c'est moins cool. Putain de slogan, fous ta cagoule. Fous ta cagoule, fous ta cagoule. Ou t'auras froid, t'auras les glandes, t'auras les boules. T'auras les boules. Fous ta cagoule, ouais. Fous ta cagoule. La chair de poule, le nez qui coule. Fous ta cagoule. Fous ta cagoule. Fous ta cagoule. Fous ta cagoule. Fous ta cagoule. Tu n'as reçu de l'estal, ouais. Même à vos ou. Même à vos ou. Fous ta cagoule, ouais. Fous ta cagoule. Se faire que boule. Se faire que boule. Se faire que boule. Se faire que boule. Fous ta cagoule. Fous ta cagoule. Ouais, c'est le bazooka. Situation douloureuse. Faut des cagoules, faut des cagoules. Bandit panda ainsi que pitbull de flipper. Faut des cagoules, ouais, faut des cagoules. Coup de couteau dans la glotte et bien sûr canon à neige bang bang. Faut des cagoules, faut des cagoules. Allez. Du fatal sur Fun Radio ce matin pour se réveiller. Qu'est-ce que c'est bon. On s'est fait vraiment plaisir. Hein, Marie. Ouais, ça fait du bien. À voir ou pas, c'est sur l'Insta Story d'ailleurs de notre émission. C'est Summertime Fun Radio. Si on parlait de cadeaux. Allez. Ça fait longtemps. Est-ce que je pourrais avoir, s'il vous plaît, le jungle Pack Summer? S'il vous plaît. Connexion. Pack Summer. Avec la bouée. La bouée flamant rose, la bouée licorne ou la bouée donuts. À gagner ce matin, on va faire super simple. Le lundi, c'est pas facile de se réveiller. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va lancer le hashtag Fun Radio. Ce matin, vous la gagnez uniquement sur Twitter avec un hashtag tout simple. Un petit message, hashtag Fun Radio. Un petit bonjour et puis la bouée de votre choix, vous le mettez, puis on va tout faire pour vous l'offrir. Il y en a qui m'écrivent en inbox et me disent mais est-ce qu'on peut vraiment la gagner cette bouée? Je vous jure que oui, il suffit juste d'avoir un peu de chance. On les a ici en studio, ce qui veut dire que vous passez à l'antenne tout à l'heure avant la fin de l'émission avec nous et on l'envoie direct. Allez-y, hashtag Fun Radio sur Twitter. Kungs. Le son dancefloor de Kungs dans les oreilles juste après les infos de 8h. A tout de suite sur Fun Radio. C'est nouveau dans la playlist Fun Radio. Fun. Angèle et Tayo Cruz. Cardi B. La radio qui vous joue les meilleures nouveautés. C'est Fun Radio. La Poste Mobile présente le grand jeu 100% gagnant. Vous avez un numéro de portable ? Vous avez gagné jusqu'à 10 ans de forfait mobile. Il y a forcément un truc. Oui, il ne faut pas traîner. C'est jusqu'au 18 août. Rendez-vous sur jeu.lapostemobile.fr ou en bureau de poste. Jusqu'au 18 août, c'est le grand jeu 100% gagnant de La Poste Mobile. Gagnez jusqu'à 10 ans de forfait, même sur le forfait 60 gigas. Modalité de participation sur jeu.lapostemobile.fr. Remis sur le prix mensuel d'un nouveau forfait SIM avec portabilité du numéro métropolitain. Pour les clients La Poste Mobile au 30 juin, voir les gains sur le site du jeu. On radio. Le son Dance Floor. Bon lundi, c'est Fun Radio et les infos, c'est tout de suite avec Camille Cazeneuve. Salut Camille. Salut Jérôme, salut à tous. C'est encore un temps très lourd aujourd'hui, niveau ciel. On aura du soleil partout et des orages sont attendus dans l'après-midi dans le sud-est de la France et en Corse. Les températures vont rapidement grimper aujourd'hui. Ce matin, comptez entre 17 et 25 degrés selon les régions. Et dans le détail, cet après-midi, il fera 28 à Brest, 32 à Metz, 34 à Tours. Même chose pour Nice et 36 degrés à Biarritz. 67 départements sont toujours en alerte canicule, pas de répit pour la chaleur. Aujourd'hui, il va encore faire très chaud sur toutes les régions de France. Et pour info, aujourd'hui et demain seront les journées les plus chaudes de la semaine. Le pic de canicule est attendu aujourd'hui dans les régions du sud-ouest et demain pour les régions au nord-est et dans le centre. Dès mercredi, on devrait retrouver des températures plus agréables. Et la canicule n'entraîne pas énormément de consultations aux urgences. C'est ce qu'a annoncé la ministre de la Santé hier. Pour Agnès Buzyn, la situation est sous contrôle. Attention quand même à être vigilant avec les enfants et les personnes âgées à cause du risque de noyade et de malaise. Et en plus de la chaleur, on a un pic de pollution aujourd'hui. Des mesures ont été prises dans plusieurs villes de France. On a par exemple la circulation différenciée à Paris, Strasbourg, Lyon et Grenoble. Seuls les véhicules les moins polluants peuvent rouler aujourd'hui. Dans certaines villes du sud de la France, vous devez rouler 20 km/h en dessous de la vitesse autorisée. Dans l'actu à l'étranger, le bilan s'est alourdi. Plus de 90 personnes sont mortes sur l'île indonésienne de Lombok suite à un séisme. C'est une île très touristique près de Bali. Environ 900 touristes sont en cours d'évacuation des îles proches. Et puis en sport, on parle des championnats d'Europe. Superbe journée hier pour nos Français. Mélanie de Jesus dos Santos a décroché l'or sur l'épreuve de gymnastique au sol. En aviron, de l'or aussi en deux de couple. Aujourd'hui encore une belle chance de médaille avec la nageuse Charlotte Bonnet. Il est 8h02 sur Fun Radio, c'est le Summertime. Summertime. Summer. It's summertime. Tout l'été de 6h à 9h sur Fun Radio. Bon lundi les Summers, c'est Fun Radio, c'est Summertime, 8h de bon courage. Si vous bossez ce matin, on est là avec vous jusqu'à 9h. Bonjour Marie. Bonjour Jérôme, bonjour à tous, bon réveil. Et ouais, bon courage, on est là jusqu'à fin août avec vous. Jusqu'au 25, avant le retour de la famille. La famille des meilleurs DJs sur Fun Radio avec Kungs. Il la joue à Tomorrowland, ça va être super bon au réveil. Liam Payne aussi. Avec J Balvin. Ed Sheeran. Son tube remixé par Tiesto. Ce sera avant 8h30 où vous pourrez d'ailleurs jouer avec nous ce matin. Nouvelle semaine, nouveau cadeau. Cette semaine, c'est le Blu-ray du film de Spielberg, Ready Player One, avec la PlayStation 4 et le casque VR que vous allez pouvoir gagner. Et pour ça, un seul numéro, le 3228. Eva vous attend au standard. Venez vous inscrire et jouer avec nous au juste chiffre. Elle avait joué avec Elliot au mois de juillet, avec toi Marie, pour gagner ses places pour le Stéréoparc. C'était ce week-end à Rochefort. Elle en est revenue. Alors peut-être qu'il faut que je me calme tout de suite. Peut-être que je parle. Elle est peut-être un peu fatiguée. Allô, c'est Céline ? Bonjour Jérôme. Eh, pas du tout. Salut Céline. Bonjour, ça va ? Ça va et toi ? Ça va super, effectivement, bon. Un peu fatiguée, mais ça va. Ça s'entend pas ? Non, hein, belle voix. T'es rentrée hier soir ? Je suis rentrée hier soir, ouais, à peu près minuit. Trois jours de fête donc à Rochefort pour ce premier Stéréoparc. Où t'as vu Lost Frequencies? Lost Frequencies, Fakir et Steve Angelo qui était canonissime. C'était vraiment un super festival. Est-ce qu'il t'a joué de la Swedish, Steve? Oui, il en a joué deux, ouais. Il a pas joué celle que je préférais, mais bon, c'est pas grave. Ah ok, mais tu lui en veux pas? Pas du tout, non, c'était vraiment canon, donc aucun problème. Raconte-nous un petit peu alors, parce qu'en plus, ce qu'il faut savoir au Stéréopark, c'est que vous dormez en fait en plein air. Oui, c'est ça. Alors, avec Fun, on a eu la chance de pouvoir dormir confortablement à l'hôtel. Mais il y avait tout un camping qui était aménagé et j'ai vu passer les photos. Ça avait l'air top aussi, ouais. Tu nous en as envoyé aussi d'ailleurs, on les postera sur la page Facebook Summertime. Moi, je voulais savoir, je me rappelle plus, t'étais allé avec qui au Stéréopark ce week-end? Je suis allée avec mon compagnon. Ah, c'est ça, t'es allée avec ton mec. Bon, et vous avez kiffé donc tous les deux. C'est cool d'aller en festival avec, ouais, avec son mec ou sa meuf. Ah ouais, non, c'était vraiment top. Franchement, merci Fun. Ce que je tiens juste à préciser, parce que tu sais ce qu'ils ont marqué sur la page Facebook de Stéréopark, ils ont marqué objet trouvé en fait, venir à la mairie de Rochefort à partir de ce matin. Parce qu'apparemment, c'était quand même un beau bordel. T'as rien perdu, toi, Céline? Non, c'est bon, j'avais tout avec moi. Le copain, t'as tout ramené? J'ai tout ramené. Bon. C'est bon, pas de soucis. Eh ben écoute, en tout cas, on va partager ça avec toi sur la page Facebook Summertime. On va poster les photos que tu nous as prises ce week-end. D'accord, ok, ça marche. Merci encore. Gros bisous et bonne journée. Gros bisous, bonne journée. Merci à toi, Céline. Cette semaine, on paie aussi vos factures. Ce sont vos factures de Sam. Sam, c'est celui qui conduit, mais celui qui ne boit pas. Ce sera à 8h10. Et pour le son Dance Floor, maintenant sur Fun Radio, le DJ Koongs dans Summertime. Il est 8h05. Avec vous. Jérôme et Marie. C'est le Summertime sur Fun Radio. Shape Bobby Man, Leon Payne, Magic. Simple, you diplo, you your hips rolled, you do the calypso. An intro is all that I need. Oh yeah. Y un beso primero. Tú sabes lo que me refiero. De cero, sabes que estoy pa' ti. Oh, the baseline in real life, don't wanna know FaceTime. Cause great minds, they think just the same. Hey, yeah, you said like a bridal, a model, or some kind of bottle. We'll pour up, cause I wanna taste the taste. Oh. Y nos familiaricemos. Un poco de química y el party prendemos. Olvida las críticas si nos entendemos. ¿Qué tú crees si en tu mente no me pongo? Señorita, ¿qué necesitas? Sería mucho mejor si participas. Así de lejos no, mejor cerquita. Yo voy a hacerte todo lo que me permita. Y sabes que lo que te pones te queda bien, te queda bien. Y me cae mucho mejor que un billete. Sí. Can we get familiar, familiar, familiar, familiar? I'm feeling, I'm feeling, I'm feeling, I'm feeling ya. What's on your mind for later tonight? Let me be the one to fill it up. Can we get familiar, familiar, familiar, familiar? I'm feeling, I'm feeling, I'm feeling, I'm feeling ya. What's on your mind for later tonight? Let me be the one to fill it up. Can we Le son dance floor de Fun Radio en mode summer avec le remix d'Ed Sheeran. Remix de Tiesto. Le son très cool aussi de Dennis Lloyd. On se réveille ensemble sur Fun Radio jusqu'à 9h. Pour l'instant, il est 8h12. Fun Radio paye vos factures. Et cette semaine, Marie, on paie les factures de Sam. Oui, Sam, c'est qui? C'est celui qui conduit et qui ne boit pas. C'est votre pote que vous désignez. Voilà, on est en opération avec la sécurité routière toute la semaine. Donc, on paye vos factures. Ça peut être l'essence, les taxis, les billets de train, les nuits d'hôtel. Tout ce qui fait que voilà, vous êtes responsable sur la route, ce qui est hyper important. On ne le rappelle jamais suffisamment. Je vais rappeler quand même où l'on va là maintenant. Et je donne juste la petite adresse, hein. C'est toujours la même, facture@funradio.fr. On va à Mulhouse. On va chez Christelle. C'est loin, hein, Mulhouse. On sent que c'est le mois d'août, hein. On sent que c'est le mois d'août, c'est cool. Oh, et qui c'est qui? Oui, allô? Christelle? Allô? Christelle? Oui. Quelle est la seule radio qui paie tes factures? Ah, c'est Fun Radio! Mais oui! Ah on te réveille peut-être, Christelle? Ah, c'est génial. Non, pas du tout, ça fait longtemps que je me suis levée avec ce beau temps. Bon, Christelle, tu nous as envoyé une facture oui, de Sam. C'est vrai. Ouais, est-ce que tu peux nous rappeler la facture? Alors la facture, c'est une facture de l'auto-école où j'ai inscrit mon fils pour ses 18 ans. Il est né le 27 juillet. Et en fait, il prend des leçons de code pour l'instant, puisqu'avant de passer son permis de conduire, évidemment, il faut apprendre son code. Et là, il est parti justement pour aller faire ses leçons de conduite et de code, en tout cas. Ah, il est parti déjà. Voilà. Il s'appelle comment ton fils, Christelle ? Il s'appelle Hugo. Eh ben, ça va être une bonne nouvelle pour lui. Parce que quand on a 18 ans, on se rend pas vraiment compte. Passer le code, passer le permis, c'est un peu relou quand même. Mais une fois qu'on est derrière le volant, on est vraiment au top. Quoi. Maman, elle a le permis ou pas ? Maman, elle a le permis, évidemment. Bon, est-ce que maman, elle a eu le code du premier coup, elle ? Alors, maman a eu le code du premier coup. Par contre, je l'ai dit aussi à mon fils, je n'ai eu la conduite que du deuxième coup. Ah. Ouais, mais bon, l'important, c'était de l'avoir. C'est de l'avoir. Donc, et puis après, de garder ses points aussi. Il faut bien que tu le dises à ton fils. Alors, pour l'instant, j'ai tous mes points et on sait aussi que il faut être prudent sur la route. Et puis là, je trouve que c'est ce qu'il y a de très bien, c'est que maintenant, les auto-écoles, ils apprennent les gestes qui sauvent. Et je trouve que ça, c'est vraiment génial parce que moi, à l'époque où j'ai passé mon permis, on ne le faisait pas. Et je trouve que c'est important. Et puis, le jour où Hugo aura son permis, c'est peut-être lui justement qui rapportera, qui raccompagnera ses potes en mode Sam. Eh ben oui, parce que quand on en parle, quelquefois, on lui dit, tu sais, le jour où tu sortiras avec tes copains, avec tes copines, s'il y en a un qui doit pas boire, c'est Sam, effectivement, c'est celui qui ne boira pas d'alcool. Donc, il faudrait que ça soit à chacun votre tour, vous ferez des petits tirages au sort, ou vous vous arrangez entre amis. Et vous le faites surtout avant de sortir en soirée. Et on le fait surtout avant de sortir en soirée, tout à fait. Bon. Oui, c'est vrai. On t'embrasse fort, Christelle. Eh ben, merci à vous. En tout cas, vous êtes une équipe géniale. Gardez le sourire parce que vous nous le donnez. Vous transmettez toute votre bonne humeur. C'est super. C'est gentil. Gros bisous, Christelle. Passe une bonne journée et gros bisous à Hugo. Merci. À un grand merci. Facture pour le cours de code de la route pour son fils, donc. Faut espérer qu'il l'ait maintenant. Hein. Voilà, ouais. Au boulot. Faut espérer qu'il l'ait. Au boulot, c'est vrai. Merci beaucoup, en tout cas. On t'embrasse, merci Christelle. Beaucoup. Merci, moi aussi, je vous embrasse. À bientôt. Le meilleur. Salut Christelle, le meilleur du Vaché Time sur Fun Radio après le remix de Ed Sheeran par Tiesto, maintenant sur Fun Radio. Walking down 29th and Park, I saw you in another zone. Only a month we've been apart. You look happier. So you walk inside a bar. You said something to make you laugh. I saw that both your smiles were twice as wide as ours. Yeah, you look happier. You do. Sur Fun Radio, le son Dance Floor de Nice Throw, le nouveau UGL aussi avec la boîte Tayo Cruz. Avant 8h30. Et puis ce matin, c'est en tweetant avec le hashtag Fun Radio que vous gagnez votre pack Summer. Et pour ça, on a plein de messages déjà. Il y a Kevin qui dit salut les Summer, heureux de vous retrouver pour cette deuxième semaine. Vous nous donnez la pêche. Pour moi, ce serait une bouée licorne. Ça me ferait énormément plaisir à moi et à ma femme. Gros bisous à toute l'équipe. On a Geoffrey aussi, m'a fait rire. Il fait hier, c'était les 27 ans de ma chérie. Avec deux enfants, on n'a rien fêté. Une bouée licorne pour me faire pardonner. Bravo, Geoffrey. Hashtag Fun Radio sur Twitter. Yeah. Le vaché time. Ah, parfait. Malek. Le vaché time. Pendant les vacances de Bruno dans la radio, les meilleurs Vacher Time. Chaque matin sur Fun, c'est un classique de Vacher quand il appelle des gens pour poser des questions très très très très rapides. Faut répondre très très rapidement. Marie, t'es prête? Vas-y. La dernière fois que t'as fait l'amour? Hier. On y va. Allô? Bonjour madame, je suis monsieur Vacher des QTTR. Les questions très très rapides. En fait, je pose des questions le plus vite possible à des gens auxquels ils doivent répondre hyper rapidement. Et je voulais savoir si vous pouviez participer, s'il vous plaît. Oui, il n'y a pas de problème. Merci beaucoup, on y va. Si vous étiez un homme, comment voudriez-vous vous appeler? Patrick. Contre quelle somme d'argent échangeriez-vous vos enfants? 1 million. Sexualité, à votre avis, quelle est la position préférée de la Belle et la Bête? Le missionnaire. À quel chanteur aimeriez-vous pincer les tétons avec des pinces crocodiles? Maître Gim. Complétez cette phrase. La plupart des gens qui sentent mauvais de la bouche ont pour prénom? Nathalie. Imitez une mouche qui vole, puis qui se prend une baie vitrée, puis qui vole moins bien du coup. Si vous étiez un slip, par quel homme politique ne voudriez-vous pas être porté? Jean-Marie Le Pen. Finissez ce proverbe par un autre proverbe qui n'a rien à voir. Pierre qui roule fait déborder le vase. En dessous de combien de centimètres considérez-vous qu'un pénis est ridicule? 15 centimètres. Imitez le cri de quelqu'un qui apprend en même temps qu'elle a gagné au loto, mais aussi que toute sa famille est morte dans un accident. Oh ouais, oh non. Si un avion devait atterrir d'urgence dans vos fesses, vous aimeriez que ce soit quel modèle? A320. Top. Eh ben c'est bon, ça va, on peut s'arrêter là. Ça fait gros comme avion par contre, hein, je vous déconseille. De toute façon, il y a peu de chances que ça arrive à mon avis. On sait jamais. Atterrissage d'urgence, ça c'est déjà vu. On cherche la surface la plus proche. Summertime. Summertime. Avec Jérôme et Marie sur Fun Radio. Una mattina mi son svegliato. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Una mattina mi son svegliato ed ho trovato l'invaso. Tu m'as tant donné, j'attends ton retour. Oh bella ciao. continue sans toi. Va m'en vouloir. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Mais je l'ai fait pour toi. T'en prie, pardonne-moi. Et à contre-cœur. Oh bella ciao. La la la la. Je t'envoie mes mots de là où je suis. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Quand tous les efforts, tous les écrits n'ont plus de sens, n'ont plus de prix. J'ai crié ma peine, mon poing sur les murs. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Crier que je t'aime, briser mon armure. L'âme qui pleure, mais le cœur dur. La la la la la, la la la la la. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. La la la la, la la la la la, la la la la la la la la. Oh partigiano, portami via, che mi sento di morire. La la la la la, la la la la la. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. La la la la la, la la la la la, la la la la la la la la la la la la la. Matin. C'est trop bon de passer l'été avec vous. Jérôme et Marie. C'est le summertime sur Fun Radio. We can roll now, we can ride out. If there's something that you want, baby, we can go there. Anywhere you dare, I can show you something new later. If you want it bad and I want it bad, so we can do that. Been running around all over town. I finally found a way to get up, baby, get up. Body's waking up your mind. Your mindless, ain't no pressure at your leisure. We can go as far as you like, baby. We should explore what we're made for. Say the word, you know that I'll be ready. 'Cause you want it bad and I want it bad, so we can do that. The things that you want, baby, you want, baby. Been running around all over town, I finally found a way to get. Rien à gronder sur Fun après les infos de 8h30, à tout de suite. C'est nouveau dans la playlist Fun Radio. Fun Kaigo. Rudy Mental. La radio qui vous joue les meilleures nouveautés, c'est Fun Radio. Sachant que Hugo passe en CM1, qu'il a grandi de 10 cm et qu'il aura besoin de faire ses devoirs une heure chaque soir, que doit faire sa maman pour lui trouver un nouveau bureau pour la rentrée sans se ruiner ? Vous avez une heure. C'est simple. La solution se trouve chez IKEA. Et en ce moment, avec la carte gratuite IKEA Family, le bureau blanc Miqueux en 105 par 50 cm est à seulement 59 euros au lieu de 75. L'occasion de faire entrer votre enfant dans la cour des grands. Rendez-vous vite en magasin ou sur IKEA.fr. IKEA. Depuis leur disparition soudaine à la fin de l'été dernier, les opérations se multiplient dans toutes les régions. Mais un dernier indice a relancé l'enquête. En commandant un Maxi Best-of, un promeneur aurait retrouvé leurs traces. Où étaient-ils ? Que sont-ils devenus ? McDonald's présente le retour des verres Coca-Cola. À partir du 3 août, un verre Coca-Cola est offert pour tout achat d'un menu Maxi Best-of. Durée limitée. Le verre en cours de distribution est affiché en restaurant. Offre non valable sur la livraison à domicile. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés, sucrés. Bonjour, c'est moi votre fournisseur officiel Plein Ciel. Et chez Plein Ciel, toutes les affaires de la rentrée sont déjà là. Alors moi, je veux des promos, des marques top au meilleur prix et en plus déposer mes listes scolaires et ne rien faire. Ça tombe bien, Plein Ciel s'occupe de tout, de tout. Eh, soyez les premiers à payer moins cher. Avec Plein Ciel, prenez de l'avance. Rendez-vous dans nos 230 magasins. La Poste Mobile présente le grand jeu 100% gagnant. Vous avez un numéro de portable ? Vous avez gagné jusqu'à 10 ans de forfait mobile. Il y a forcément un truc. Oui, il ne faut pas traîner. C'est jusqu'au 18 août. Rendez-vous sur jeu.lapostemobile.fr ou en bureau de poste. Jusqu'au 18 août, c'est le grand jeu 100% gagnant de La Poste Mobile. Gagnez jusqu'à 10 ans de forfait, même sur le forfait 60 gigas. Modalité de participation sur jeu.lapostemobile.fr. Remis sur le prix mensuel d'un nouveau forfait SIM avec portabilité du numéro métropolitain. Pour les clients La Poste Mobile au 30 juin, voir les gains sur le site du jeu. Heineken 00, c'est la bière sans alcool à déguster où vous voulez, quand vous voulez. Vérifions si c'est vrai à midi 00 au restaurant d'entreprise. Oui ! Ah, oh, une raison de plus d'aller au self. Et à la boulangerie. Avec votre jambon beurre, vous prendrez une Heineken 00. Et voilà, madame, de quoi transformer votre déj en happy hour. Et déguster votre Heineken 00 lors d'un déjeuner d'affaires. Ça, c'est à vous de voir. Heineken 00, c'est tout le goût d'une bière Heineken, mais sans alcool. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool. On radio. Le son. Dance. Floor. 8h32, bienvenue, c'est Fun Radio et les infos ce matin, c'est avec Camille Cazeneuve. Salut Camille. Salut Jérôme, salut Marie, salut les Summers. Rien ne change aujourd'hui côté météo, il fera toujours aussi chaud sur toute la France. 67 départements sont toujours en vigilance canicule. Des orages sont même prévus dans le sud-est de la France et en Corse aujourd'hui. Soyez prudents donc si vous y êtes en vacances ou si vous habitez dans ces départements. Pour les températures, ça tourne ce matin entre 17 et 25 degrés. Dans le détail cet après-midi, il fera 30 à Rouen, 32 à Lille, 34 à Strasbourg, même chose à Perpignan et 37 degrés pour Nîmes. Et on continue avec la météo, le pire est à venir, la canicule va sérieusement s'accentuer aujourd'hui et demain. On attend le pic de chaleur aujourd'hui dans les régions au sud et demain pour le nord, est et le centre. Ce week-end déjà, il faisait particulièrement chaud et avec le trafic routier des vacanciers, ça a provoqué une pollution dans pas mal de régions. Des restrictions de circulation ont été mises en place. Dans pas mal de villes au sud, la vitesse est abaissée de 20 km/h aujourd'hui. À Paris, Strasbourg, Lyon et Grenoble, la circulation différenciée est effective. Les véhicules les plus polluants ne peuvent pas rouler aujourd'hui. La vidéo de son agression avait été postée sur les réseaux sociaux. Marie, une jeune femme victime de harcèlement de rue à Paris, a lancé une pétition en ligne ce week-end. Celle-ci est adressée à Marlène Schiappa, la ministre de l'égalité homme-femme. C'est pour réclamer plus de prévention et de moyens pour lutter contre les violences faites aux femmes. Les deux camps plaident la légitime défense. Retour sur le clash Boubacaris à l'aéroport d'Orly à Paris la semaine dernière. Les deux rappeurs sont en prison depuis vendredi soir. Ils sont incarcérés provisoirement jusqu'à leur procès le 6 septembre. Les avocats des deux parties veulent faire appel de leur incarcération. En sport football, un sixième titre consécutif pour le PSG pour le trophée des champions. C'était samedi, un match facile face à Monaco. 4-0, score final pour les Parisiens. Et puis un sport plus insolite en France, le football américain. La France est devenue championne d'Europe ce week-end. Elle a battu l'Autriche en finale. Il est 8h34 sur Fun Radio. Summertime. Summertime. Avec Jérôme et Marie sur Fun Radio. Il est déjà 8h34, c'est lundi aujourd'hui, vous avez choisi Fun Radio. Bon réveil les Summers avec le son d'Ariana Grande. Le nouveau Nils Van Zandt. Une découverte party fun. Ça c'est vraiment summer. Et puis alors ce sera le son du jour. C'est mon coup de cœur. Ce sera à 8h50. J'ai le nouveau Tujamo ce matin. C'est où pour aller à Tomorrowland? C'est la deuxième à gauche là. Après le feu vert tu tournes à droite. C'est vraiment un son pour faire la teuf. Le nouveau Tujamo, le son du jour dans quelques minutes. Mais pour l'heure on joue au juste chiffre. Here we go. C'est l'heure du juste chiffre sur Fun Radio. Et ce matin au 32-28, on accueille Florent, 33 ans de Lyon. Salut Florent. Salut Jérôme, salut Marie. Salut Florent, t'es debout ce matin, 8h35. Est-ce que t'es en vacances? Est-ce que tu bosses? Ah non, je bosse là, mais je bosse d'après-midi. Et là, j'allais faire un petit footing en fait. Ah, monsieur est sportif, c'est bien ça, comme fond. Ah bah oui. Avec la chaleur, il faut éviter, ouais, pas après 29h du match, je pense. Ah oui, c'est pour ça que j'y vais tôt, ouais. J'en profite tant qu'il y a un peu de fraîcheur pour donc, courir. Donc là, il faut qu'on t'imagine, Florent, t'es en short, t'as les baskets. Exactement, ouais, c'est ça. Ouais. Tu as le pouce et l'index sur la ligne blanche, t'es prêt à partir. Ouais, je suis dans les starting blocks. Voilà, t'es chaud pour le juste chiffre, alors c'est parti. On va t'expliquer la règle avant de jouer. Donc pour gagner ta PlayStation 4 ce matin, ton casque VR et ton Blu-ray du film Ready Player One, Marie. Tu vas devoir trouver en moins de 20 secondes le juste chiffre à la question que Jérôme va te poser. À chacune de tes propositions, il te dira si c'est plus ou si c'est moins. Attention, concentration. Voici ta question. En moyenne, combien de photos par jour prennent les Français quand ils sont en vacances? 300. C'est moins. 200. C'est moins. 100. C'est moins. 50. C'est moins. 20. C'est plus. 30. C'est plus. 40. C'est un peu plus. 43. C'est un peu moins. 42. C'est le juste chiffre. Et ça va te motiver pour aller faire ton footing. C'est un beau bordel là. Je pense que. Ou alors tu es sur le péage de Lyon et là il y a beaucoup de monde. Il faut éteindre ta radio, Florent. Ah, je suis trop content. Et ouais, bah ça s'entend. 42 photos par jour en moyenne, les Français, quand ils sont en vacances. Je sais pas combien, Marie, par exemple, t'en as en stock sur ton téléphone. Je crois que j'en avais plus de 2000, mais t'imagines. Plus de 2000, moi. 42, c'est énorme. 42 par jour, ouais, ça fait. Pour un séjour d'une semaine, je te l'arrondis à 300. Ouais, on en parlait hors antenne, ça fait quand même à l'époque deux pellicules jetables. Quand on a nos petits appareils là, avec les pellicules photo, bah ça en fait deux par jour, c'est quand même beaucoup. Voilà, Florent. Ok, bah super, merci. C'est vrai que j'étais parti un peu dans les chiffres. Ouais. Et c'est pas grave, l'essentiel c'est que tu l'as trouvé dans les moins de 20 secondes. Et l'essentiel c'est que tu repartes avec ta PS4, ton casque VR et aussi le DVD du film Ready Player One. Ça sort mercredi, c'est un film de Spielberg, la science-fiction, un gros gros carton. Donc on t'envoie tout ça chez toi. Florent, t'es prêt? Très bien, merci beaucoup. Écoute, merci pause. Beaucoup, je vous adore, franchement, continue comme ça, c'est le top. Florent, maintenant que tu es prêt, tu peux poser le téléphone. Je vais te donner le top départ pour ton footing, t'es prêt? Allez, 3, 2, 1, vas-y Florent, cours! C'est parti là, ça y est! Salut Florent! Bonne journée à toi, le juste chiffre qui reviendra demain à la même heure. Et puis on va revenir aussi pour tout vous dire, surtout pour savoir comment gagner votre pack summer. Hashtag Fun Radio. Allez-y, faites-vous plaisir sur Twitter. Et comme promis maintenant, la voix sexy au réveil. D'Ariana Grande sur Fun, 8h38. Ain't got no tears in my body. I ran out, but boy, I like it. I like it. I like it. Don't matter how, what, when, who tries it. We out here vibing. We vibing. We vibing. Even when it's raining down. Can't stop now. Can't stop, so shut your mouth. The colors in you, I see them too. And boy, I like them. I like them. I like them. We're way too fly to partake in all this hate. We out here vibing. We vibing. We vibing. Come. and I'm living, so we turning up. Yeah, we turning up. Summertime! And so Wes got this beauty by my side. He takes it nice and slow. Kiss and tell. I need something more, baby. Come on, let's go. Raise your hands up high to the sky. We'll be reaching for the stars here tonight. Until the sun comes up, you and I. You better go. h 43 sur Fun Radio, on fait un point sur l'opération Pack Summer avec la bouée. Pour la gagner aujourd'hui, ça se passe sur Twitter avec le hashtag Fun Radio. Vous venez nous écrire un petit message de bonjour et vous nous dites surtout quelle bouée vous voulez gagner. C'est soit l'énorme licorne blanche avec sa crête arc-en-ciel, soit le flamant rose qu'on a renommé Micheline, ou soit le donut. On a énormément de messages comme Laura qui dit « Salut la team du Summer, allez je tente ma chance au cas où, hashtag Fun Radio Team Licorne, mais allez-y tentez votre chance !» La team Micheline, parce qu'il y en a qui tweetent maintenant avec la team Micheline, ça marche aussi, ça marche on direct. Sait que c'est le flamant rose. Il y a le nouveau Tout Jamo qui va arriver tout de suite, c'est la voix de Cécilia Krull sur Fun Radio, 8h44. Bring the action. Hey, this is Britney Spears. Keep listening to Fun Radio to win tickets. Fun Radio vous invite au show exceptionnel de Britney à Paris. Britney! Dès que vous entendez le double fun. Avec deux titres de Britney, bitch. Mixé à la suite. Soyez le plus rapide à appeler Fun Radio au 3228. On vous offre vos places, le transport et l'hébergement pour assister à son concert. Britney Spears. Le retour de Britney en France. C'est avec Fun Radio. 3228, service payant 50 centimes d'euros par minute plus prix d'un appel. Accédez gratuitement à la meilleure playlist Fun en téléchargeant l'application Fun Radio. Take me for a boo. matin. C'est trop bon de passer l'été avec vous. Jérôme et Marie. C'est le Summertime sur Fun Radio. Summertime sur Fun Radio, 8h51, c'est l'heure du son du jour. Le son du jour. Chaque matin, je mets en avant une nouveauté. Ce matin, j'ai sorti le nouveau Tujamo. Tujamo, quand vous l'entendez sur Fun Radio, vous entendez ça. Tujamo, quand vous le voulez sur Fun Radio, vous avez ça. Plus fort, un peu plus fort, un peu plus fort. Tujamo, quand vous en redemandez sur Fun Radio, ça donne ça. Ça, c'est bon. Et Tujamo, donc DJ allemand que vous connaissez ici sur Fun Radio, avec son nouveau tube à découvrir ce matin, à mettre très fort. C'est très électro, c'est parfait pour un festival, pour faire la fête en plein air, pour faire une pool party. With You, le nouveau Tujamo, maintenant sur Fun Radio. I only tous les matins. C'est trop bon de passer l'été avec vous. Jérôme et Marie. C'est le Summertime sur Fun Radio. You call me all friendly, tell me how much you miss me. That's funny, I guess you heard my songs. Well, I'm too busy for your business. Go find a girl who wants to listen. Cause if you think I was born yesterday, you have got me. So I cut you off. Super nombreux à participer ce matin. On avait lancé avec Marie résumer votre week-end en string. On lira quelques messages. Il y a vraiment, vraiment, vraiment, vraiment plein de messages qu'on lira après les infos 9h. Et des pépites. Des petites pépites, on vous les garde. Des on vous... messages magiques. On va les partager avec vous après les infos. Et puis on va revenir aussi avec le DJ Tiesto. Tiesto, Jackie Chan. Et puis on ne partira évidemment pas sans vous offrir votre pack summer avec la bouée. À tout de suite sur Fun. C'est nouveau dans la playlist Fun Radio. Ugel et Tayo Cruz. Cardi B. La radio qui vous joue les meilleures nouveautés. C'est Fun Radio. Conforama, le confort pour tous. En ce moment, chez Conforama, il y a 10 euros offerts en bon d'achat par tranche de 100 euros d'achat sur tout le magasin. Oui, tout. Alors profitez-en vite, c'est seulement jusqu'au 13 août. Conforama, conditions en magasin et sur conforama.fr. Lidl, meilleure chaîne de magasins de l'année, catégorie produits frais. Allô patron ? Oui, quoi encore ? On a un pépin, ils ont croqué les prix ici. Aujourd'hui et demain, la barquette d'un kilo de pommes Pink Lady est à 2,69€. 2,69€ le kilo de pommes Pink Lady chez Lidl, c'est infernal. Ah, vous avez raison patron, hein. C'est un prix d'enfer. Et en plus, c'est les mêmes prix partout en France. Mais t'as fini, oui. Oh, on est mal. Ah bah oui, hein. Très mal. Lidl, le vrai prix des bonnes choses. Plus d'informations sur Lidl.fr. Catégorie 1, calibre 170-200, variété Crips Pink, origine Chili. C'est fou comme on prend vite de nouvelles bonnes habitudes avec Direct Energy. Bon maman, je raccroche. Donc, tu appelles Direct Energy, tu donnes bien notre code parrainage, tu auras 20 euros offerts et moi aussi. Ok ? Bisous ! Oh non, ne me dis pas que t'as déjà parrainé ma mère. Bah si, mais bon, tu sais, on fait compte commun, chérie. Eh oui, le parrainage chez Direct Energy, c'est 20 euros pour le parrain et 20 euros pour le filleul. Alors rejoignez Direct Energy et faites des économies dès aujourd'hui. Appelez le 3099 ou connectez-vous sur directenergy.com. Service et appel gratuit. Voir conditions sur site, l'énergie est notre avenir, économisons-la. On radio. Le son. Dance. Fla. 9h du mat, c'est lundi aujourd'hui, les infos sur Fun Radio, c'est avec Camille Cazeneuve. Salut Camille. Salut Jérôme, salut Marie, salut à tous. Alors la météo, encore un temps très lourd aujourd'hui, on aura du soleil partout et des orages sont attendus dans l'après-midi. Ils seront ultra localisés dans les Alpes et en Corse. Les températures par contre vont rapidement grimper. Ce matin, comptez entre 17 et 25 degrés selon les régions. Et dans le détail, cet après-midi, il fera 28 à Brest, 32 à Metz, 34 à Tours, même chose à Nice et 36 degrés à Biarritz. 67 départements, toujours en alerte canicule, pas de répit pour la chaleur. Je vous le disais un instant dans la météo, il va encore faire très chaud sur toutes les régions de France. Et pour info, aujourd'hui et demain seront les journées les plus chaudes de la semaine. Selon Météo France, le pic de canicule est attendu aujourd'hui dans les régions du sud et demain pour les régions au nord-est et dans le centre. Dès mercredi, on devrait retrouver des températures plus agréables. Et la canicule n'entraîne pas énormément de consultations aux urgences. C'est ce qu'a annoncé la ministre de la Santé hier. Pour Agnès Buzyn, la situation est sous contrôle. Attention quand même à être vigilant avec les enfants et les personnes âgées à cause du risque de noyade et de malaise. Et ça va avec la chaleur, la pollution. Des mesures ont été prises dans plusieurs villes aujourd'hui car on a un pic de pollution à Lausanne. À Paris, Strasbourg, Lyon et Grenoble, la circulation est par exemple différenciée. Seuls les véhicules les moins polluants peuvent rouler aujourd'hui. Dans certaines villes du sud de la France, vous devez rouler 20 km/h en dessous de la vitesse autorisée. Dans l'actuel étranger, le bilan s'est alourdi. Plus de 90 personnes sont mortes sur l'île indonésienne de Lombok suite à un séisme. C'est une île très touristique près de Bali. Environ 900 touristes sont en cours d'évacuation sur les îles proches. Et puis Calvin Harris reste le DJ le mieux payé au monde. Pour la 6e fois consécutive, le producteur arrive en tête du classement Forbes avec 48 millions de dollars gagnés cette année. Il est talonné de près par le duo des Chainsmokers. David Guetta est le premier DJ français à la 8e place du classement avec 13,5 millions de dollars. Il est 9h02. Summertime. Summer. It's summertime. Tout l'été de 6h à 9h sur Fun Radio. Le morning de l'été, Summertime sur Fun Radio. Nous sommes lundi le 6 août. Bonjour les Summers, bonjour Marie. Salut Jérôme, bonjour à tous. Bon réveil si vous partez bosser. Vous partez bosser, vous allez le faire avec le son dance floor de Jackie Chan. C'est le tube de Tiesto. Un classique de Kungs. Le This Girl. L'été dernier quoi. Le classique du lundi matin. Mais aussi DJ Snake. Avec Magenta Redeem, avec Mika dans les prochaines minutes. Et puis alors, on est super heureux, vous avez partagé avec nous ce matin ce moment en arrivant à la radio. On s'est dit, attends, il a fait un temps de malade, il a fait super chaud ce week-end, on fait quoi? On partage notre week-end, oui, mais on le fait en string. Ouais, avec le hashtag en string, Mickaël qui dit ce week-end, c'était enterrement de vie de garçon, hashtag en string. Franchement, ça m'étonnerait pas que ce soit vrai. Benoît qui dit, coucou les Summers, pour moi c'était boulot, hashtag en string. Ce week-end, je suis venu, j'ai vu, j'ai vaincu la chaleur en string. Ça, c'est Chino qui nous écrit ça. Et puis on a aussi Constance qui dit « J'ai été visiter le château de Versailles et ses jardins en string avec mes parents. » C'est juste exceptionnel. Belle image. On voit la scène. Mika, par exemple, t'as fait quoi ce week-end? Moi, j'ai fait de la radio parce que j'ai fait les Daddy Fun, mais en string. Ah bah tu vois? C'était bon de le savoir quand même. On va vous offrir maintenant votre pack summer. Le pack summer, c'était super simple. Ce matin, il fallait tweeter avec le hashtag Fun Radio pour en sélectionner l'un ou l'une d'entre vous maintenant sur Twitter. On va appeler une fille. On appelle à Dijon. Allô ? Océane ? Oui. Océane, tu fais partie de celles et ceux qui ont tweeté ce matin avec le hashtag Fun Radio. Absolument. Est-ce que tu te souviens de ton tweet ? Est-ce que je me souviens de mon tweet ? Oui, bien sûr, sur la team de Net, n'est-ce pas ? Ouais, qu'est-ce que tu nous as tweeté ? Eh bien, que comme j'étais au régime, je ne peux pas le manger, mais je peux l'emporter avec moi, me baigner. Je te confirme, Océane, c'est gagné. génial. Ton pack summer, donc, elle est de la team donuts. Océane, tu pars quand en vacances? Eh bien, je pars samedi. Et tu vas où? À Nice. Ah, parfait! Allez, tu vas aller pouvoir crâner avec ton donut sur les plages de Nice. Exactement. Ouais, un donut sur la plage niçoise. Donc, tu pars samedi, on va te l'envoyer tout à l'heure. Tu l'auras avec toi, tu pourras le mettre dans la valise, c'est sûr. Yes, génial. Comme ça, vous comprenez, je n'ai pas pu le manger forcément, sinon les abdos ils disparaissent. Ouais. Moi, je vais pouvoir l'emmener. Et puis, tu pourras lui trouver un petit nom aussi. Exactement. Et puis, nous faire une photo et on la mettra sur la page du Summertime. Eh bien, ça marche, c'est promis, je vous ferai ça. Bonnes vacances, Océane. En merci plus, Océane avec un prénom comme ça. C'est juste magnifique. On t'embrasse oh, fort. Merci. Ton pack summer. Merci, je vous embrasse aussi. Avec ta bouée, va arriver dans quelques heures chez toi puisque Eva au standard va s'en équiper tout de suite. On va revenir ça demain, marche. Marie. Merci beaucoup. Merci. Bisous, Océane. Et puis on vient demain, nous. À partir de 6h, et puis on vous laisse avec Mika sur Fun. Ouais, alors moi, sans déconner, les amis, je suis passé par votre bureau, le bureau du Summertime. Vous avez un paquet de cartons avec ces bouées. Est-ce que quand même, il y a moyen que j'en tape une, tu vois, en passant, hop, comme ça? C'est déjà fait pour Bruno. Bruno nous en a déjà pris une. Oui, alors Bruno, bah toujours. Alors Bruno Guillon, d'accord, mais alors Mika du 9-12, on s'en. Hein? On va voir le stock. Ouais. Je pense que. Non, je rigole en plus, les amis. Je pense que tu peux aller t'en trouver une sur Internet, hein, clairement. Voilà. Non, mais je m'en doute. C'est pour les auditeurs et tout. Voilà. On peut pas, je sais, mais enfin bon, tu vois, Jérôme, ça commence mal. Ouais, Enfin, tu vois. Bon, écoute, on en parlera. L'émission Marie, elle se termine le 25. Oui, Marie, on en parlera le 26. Le 26, voilà. Allez, on attaque. Double fun de Britney Spears qui peut tomber avant midi. Je vous emmène au concert de Britney le 29 août prochain à l'Accor Hotel Arena de Paris. De Britney à la suite, il faut m'appeler 32-28. Pour attaquer, Tiesto sur Fun Radio. À demain, ciao. Bisous. Salut. She said she too young, don't want no man. So she gon' call her friends, now that's a plan. I just saw the sushi from Japan. Now yo bitch wanna kick it, Jackie Chan. Drop top, how we rollin', now don't call it South Beach, yeah. Look like Kelly Rowland, this might be my destiny, yeah. She want me to eat it, I guess then it's on me. I got you, know I got the sauce like a fucking recipe. She just wanna do it for the grand. She just want this money in my hand. I'ma give it to her when she dance, dance, dance. Ay, she gon' catch a Uber out the Calabasas. She said she too young, don't want no man. So she gon' call her friends, now that's a plan. I just saw the sushi from Japan. Now yo bitch wanna kick it, Jackie Chan. She said she too young, don't want no man. So she gon' call her friends, now that's a plan. Kick it, Jackie Chan. Now y'all just wanna kick it, Jackie Chan. I think you got the wrong impression about me, baby. About me, baby. Just cause they heard what hood I'm from, they think I'm crazy. Okay, well maybe just a little crazy. Just a little. Cause I admit I'm crazy about that lady, yeah. Finger to the world as fuck you, baby. I've been slaving. Done the pussy cause I'm running out of patience. No more waiting, no, no. Bouncing like a yo-yo. Living life on fast forward, but we fucking slow-mo, yeah, yeah. She said she too young, don't want no man. So she gon' call her friends, now that's a plan. I just saw the sushi from Japan. Now yo bitch wanna kick it, Jackie Chan. She said she too young, don't want no man. So she gon' call her friends, now that's a plan. I just saw the sushi from Japan. Now yo bitch wanna kick it, Jackie Chan. Jackie Chan. I'm be a soul of that. She don't wanna think, she don't wanna be no wife. She just wanna stay up late, she just wanna sniff the white. Can't tell her nothing, no, can't tell her nothing, no. She said she too young, don't want no man. So she gon' call her friends, now that's a plan. I just ordered sushi from Japan. Now y'all just wanna kick in Jackie Chan. Nouveauté Fun Radio. Shanghi. Fun Radio. Viens, je t'emmène sur ma planète. Ici, c'est pas comme à l'école. Tu verras, c'est super chouette. Entre adultes, on fait la fête. Un des rocks, ça te décolle. Walking to another dimension, a little bit high, a little bit low. It's just another form of dementia. You gotta get on top, the king of the low. I sing it, la la la la la la. You know you got it. King of the jungle, la la la la la la. You better own it. Ici partout c'est la jungle. À Paris, London, Bangkok. Ici bas Tarzan est tendre. Et ce liane qui les tremble. Se plie les pieds dans ses dreadlocks. Walking to another dimension. A little bit high, a little bit low. Just another form of dementia. You gotta get on top, the king of the roof. I sing it, la la la la la la. You know you got it. King of the jungle. So you wanna be king? C'est la jungle. You wanna be king of the jungle? Your life is a dream. Un jeu d'épingle. You wanna be king of the jungle? I sing it, la la la la la. You know you got it. King of the jungle. La la la la la la. You better own it. King of the jungle. You never buy my love. You buy me. bien ce classique de Kongs pour attaquer le 9h midi sur Fun Radio. Bonjour, j'espère que vous êtes en pleine forme. Je m'appelle Mika, salut. Ça fait du bien de vous retrouver, vous avez passé un bon week-end. Week-end ensoleillé, vous avez vu, hein, il fait une chaleur de ouf. Bon courage si vous avez repris le chemin du boulot, en tout cas c'est Fun Radio. On attaque avec vos tubes préférés pour vous lever ce matin. David Guetta, DJ Fun Radio, Like I Do. C'est parti des classiques, ce morceau, ça arrive dans moins de 3 minutes sur Fun Radio. On enchaîne. David Guetta et LSD aussi, le trio Labrin, Sia, Diplo, l'album arrive à la rentrée. Hein. LSD, ça arrive. Bring the action. Hey, this is Britney Spears. Keep listening to Fun Radio to win tickets. Fun Radio vous invite au show exceptionnel de Britney à Paris. Britney. Dès que vous entendez le double fun. Avec deux titres de Britney, bitch. Mixé à la suite. Soyez le plus rapide à appeler Fun Radio au 3228. On vous offre vos places, le transport et l'hébergement pour assister à son concert. Britney Spears. Le retour de Britney en France. C'est avec Fun Radio. You better work, bitch. 3228, service payant 50 centimes d'euros par minute plus prix d'un appel. Avec Direct Energy, ce sont plus de 300 000 artisans, commerçants, chefs d'entreprise et professions libérales qui font des économies sur l'électricité et le gaz. Passer chez Direct Energy, c'est simple et sans engagement. Le changement ne prend que quelques minutes et nous savons combien le temps est compté pour les clients professionnels. Alors pour découvrir les solutions pro de Direct Energy et faire jusqu'à 10% d'économies dès aujourd'hui, rendez-vous sur le site internet directenergy.com ou contactez nos conseillers dédiés aux professionnels de 9h à 19h au 30 99. Service et appel gratuit. Voir conditions sur site, l'énergie est notre avenir, économisons-la. Dans un monde qui a soif de conquête, un monde où tout le monde va trinquer, cette année... Ils reviennent pour une nouvelle opération spéciale. Toujours aussi solide, encore mieux sculpté. Ils sont prêts pour la maxi-mission. McDonald's présente le retour des verres Coca-Cola. À partir du 3 août, un verre Coca-Cola est offert pour tout achat d'un menu maxi best-of. Durée limitée. Le verre en cours de distribution est affiché en restaurant. Offre non valable sur la livraison à domicile. Pour votre santé, évitez de grignoter. Attention, canicule. Des risques existent pour votre santé. Le coup de chaleur et la déshydratation. Tout au long de la journée, adoptez les bons gestes. Buvez régulièrement de l'eau et mangez en quantité suffisante. Mouillez votre corps tout en assurant une légère ventilation et passez du temps dans un endroit frais. Pensez à prendre régulièrement des nouvelles de vos proches. Si vous voyez une personne victime d'un malaise, appelez immédiatement le 15. Ceci est un message du ministère chargé de la Santé et de Santé publique France. La Poste Mobile présente le grand jeu 100% gagnant. Vous avez un numéro de portable? Vous avez gagné jusqu'à 10 ans de forfait mobile. Il y a forcément un truc. Oui, il ne faut pas traîner. C'est jusqu'au 18 août. Rendez-vous sur jeu.lapostemobile.fr ou en bureau de poste. Jusqu'au 18 août, c'est le grand jeu 100% gagnant de la Poste Mobile. Gagnez jusqu'à 10 ans de forfait, même sur le forfait 60 gigas. Modalité de participation sur jeu.lapostemobile.fr. Remis sur le prix mensuel d'un nouveau forfait SIM avec portabilité du numéro métropolitain. Pour les clients La Poste Mobile au 30 juin, voir les gains sur le site du jeu. 100% de... Et cette passe, elle est magnifique, elle est superbe. 100% de... Et le but. 100% de... Le tacle décisif. 100% de... Oh là là, quel arrêt, quel arrêt. 100% de... La frappe. Cette saison, vivez 100% de la Ligue 1 Conforama sur Canal+, Canal+ Sport et beIN Sport avec Canal et l'offre Les Chaînes Sport. Appelez vite le 3910. Service payant, 25 centimes la minute, plus prix appel. Offre soumise à condition. Bonjour, c'est moi votre fournisseur officiel, Plein Ciel. Pour une rentrée ultra cool avant tout le monde, téléportez-vous chez Plein Ciel. Les promos, les marques top au meilleur prix sont déjà là. Même mon agenda scolaire? Affirmatif, à partir d'€1,99. Allez, soyez les premiers à payer moins cher. Avec Plein Ciel, prenez de l'avance. Rendez-vous dans nos 230 magasins. Moins cher! Détails de l'offre en magasin. Vous le savez peut-être pas, mais avec EDF, votre déménagement c'est bien plus qu'une simple ouverture de contrat. Vous profitez des nouvelles offres d'électricité verte et de gaz d'EDF et de conseils personnalisés pour vous aider à faire des économies d'énergie. Appelez le 3004, tous nos conseillers sont en France. Service et appel gratuit. Offre de marché soumise à condition. Disponible sur particulier.edf.fr. L'énergie est notre avenir, économisons-la. Noroto. L'été, on a tous besoin de changer d'air. Bon, et parfois aussi de changer ses pneus. Alors chez Noroto, pouvoir les payer en 3 ou 4 fois, bah ça change la vie. Chez Noroto, profitez du règlement en 3 ou 4 fois par carte bancaire avec notre partenaire de confiance Honnêt. Changez rien, c'est juste parfait. Noroto. Financement payant valable de 100 à 2000 euros. Apport obligatoire et frais maximum de 20 euros sous réserve d'acceptation par Honnêt Bank. Conditions sur noroto.fr. Check 1 2 1 2. What's up? This is Lab Room. Hi, it's Sia. Hey, this is Diplo. We are LSD. Fun Radio, c'est la famille. All right. This is Fun Radio. Fun Radio. Fun Radio. We got a ride, we got the night. I got the bottle, you got the light. We got the stars, we got all it all. Got the soul, just when the world's saying they got no hope, here comes the love, we got audio. I'm flying high, superhero, S on my chest with my Marilyn Monroe, feel like a star, cause we got audio. Son Dance Floor.